KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout, sans vous prendre la tête, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout, uniquement sur Énergie. Mickaël, 21h minuit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est bien, j'ai pas mis de micro, tiens, hop là, ça y est, c'est fait, j'ai bien réglé le truc. Oui, bon, bah ça va, on n'est pas non plus... Bon, roue. Ouais. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Ce week-end est un week-end ensoleillé. Et? Non, je dis ça pour ta peau. Ah d'accord, okay. Parce que bon, t'as encore des rougeurs d'il y a deux semaines, enfin, il y a une semaine, elle est pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Donc fais attention. Ouais, je vais faire gaffe. T'as prévu la crème? Non, mais je vais aller en acheter. Ah, bah c'est bien. De la 400. Ça existe d'ailleurs, je sais même pas jusqu'à combien ça va. Je crois que ça va jusqu'à 100. Ouais, bah au-delà, enfin si c'est pour mettre au-dessus, mets un pull. Non, mais moi je mets de la 100 en général. De la 100 ouais, mais ça, ouais. En fait, ça va disparaître ça. Ah bon ça ouais, mais non, tu vas avoir fort, moyen et faible, c'est tout. Ouais, je mettrai de la très fort. Fort, moyen et ouais, faible, mais ça fort. Veut rien dire. En fait, ouais, il y aura plus que. Parce qu'ils se sont rendus compte que tous les indices, les gens ils comprenaient rien. Genre, tel indice 2, en fait, c'est, faut pas, ça sert à rien quoi. Ah, ouais, je sais que j'avais vu de l'huile à un moment entier, de l'huile pour bronzer. Mon oeil, voilà, indice 2. Ouais, oui. Ça veut rien dire. Hein. Enfin, non, mais ça veut rien. Si, ça veut résoudre 2 ou 0. Ouais, c'est, en fait, là, j'avais vu une meuf qui. Une dermato qui expliquait qu'en dessous de 30, en fait, autant rien mettre. Ça sert à rien. Bah, c'est ça, voilà, aucun intérêt, effectivement. Donc, enfin, bon. Donc du coup, les dermatologues ont décidé qu'il y aurait plus que 3 ou 4 indices, genre, voilà, faible pour les gens qui ont la peau mate et ainsi de suite, jusqu'à très fort pour les gens qui ont la peau blanche, comme le roux et moi. D'accord, ces infos, ok, merci. On saura comment se couvrir cet été. Non, mais avant l'été, avant un week-end ensoleillé comme ça, pourquoi pas? C'est une bonne information. Oui. Pour une fois qu'on arrive à éduquer les gens, enfin non, éduquer. Et juste qu'il n'y avait plus d'indices. Oui, voilà, oui, voilà, c'est ça. Par contre, j'ai toujours mal au cou depuis hier, hein, c'est un drame, je sais pas pourquoi. Tu c'est nouveau blocé, non, mais t'as ça fait dormi, t'as mal dormi. Ouais, mais enfin, ça l'a d'hier là quand même. Non, ouais, j'ai mal dormi, mais enfin, je sais pas, bizarre. Enfin, bref. Bon, donc le roux va bien en pleine forme. Tout va bien, ouais. Très bien, Sandro aussi. Ouais. Sandro, t'as combien de trous ce week-end? T'as prévu un parcours ou pas? Ouais, là, je vais essayer de faire un golf là. Un golf? Un 18? Non, un 7, un par 7. Par contre, c'est sûr, tu joues avec un handicap. toujours. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Naturel, ouais. Bon, Jack va bien aussi. Ouais, ça va. Allez, tant mieux. Ce soir, on mettra un petit peu de son. On mettra Muse avec Resistance. Il y aura également Shaim avec Je sais. On mettra du son rock US également. On aura Timbaland et Katy Perry. On aura Train aussi, la version live ou pas. On verra bien. Hey Soul Sister Train qui était passé nous voir d'ailleurs dans l'émission il y a quelques temps maintenant. Hein. Photos et vidéos, bien sûr, à mater, sur mickaël.fr. Ce soir, on recevra également Clément Lanou qui est donc un comédien qui débute sa carrière. Un humoriste voilà qui débute sa carrière. On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est déjà le 8 et 9 juin. C'est au théâtre des Feux de la Rampe dans le 9e arrondissement de Paris. Donc si vous êtes sur Paris les 8 et 9 juin, bon bah on aura peut-être des places à vous filer tout à l'heure, on verra avec lui. On aura également par téléphone, enfin on l'enregistrait tout à l'heure, Jeffrey Wigand. On a juste enregistré un speak parce qu'il pouvait pas on pouvait pas l'avoir au téléphone ce soir. Vous allez me dire qui est-ce? Oui. Qui est-ce? Bah, c'est qui un mec, en fait, c'est un mec rock'n'roll. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est un mec qui a réussi à faire perdre plus de 240 milliards de dollars à l'industrie du tabac aux États-Unis. Enfin, dans le monde, en fait, parce que il a été le premier à prouver, en fait, que l'industrie du tabac mettait volontairement de la merde dans la clope pour que l'homme soit dépendant, en fait. Et donc, du coup, bah, il a menacé l'industrie du tabac qui aurait dû payer beaucoup plus cher. Bref, finalement, l'industrie du tabac a été au tribunal. Ils ont dû payer 240 milliards de dollars. C'est qu'ils y sont jamais allés. Ah, ils n'y sont jamais allés. Oui, au total. Parce que s'ils avaient été au tribunal, par contre, ils auraient douillé beaucoup plus. Hein, c'est ça que je comprends pas. Aux États-Unis, tu payes et puis voilà, y a pas de procès. Bah ouais, mais enfin, ils ont payé. Ouais. Hein. 240 milliards de dollars. C'est la magie des USA. Ça doit être ça, ouais. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on l'aura au téléphone tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se passe. Et alors, pour ceux qui auraient vu le film, c'est le film. Insider, mais en français je sais plus. L'initié, le mec de l'intérieur. L'initié, ouais. Non, oui, comme tu as remarqué, la traduction est très bonne. Qui en fait est avec Russell Crowe, il joue son rôle. Si vous avez vu le film, comme ça vous savez de qui on parle. Non, 99. Ah ouais. Donc ça date un peu quand même. On écoute le répondeur aussi maintenant. Allez. 01 40 71 3400. Tous les messages que vous avez laissés sur le répondeur depuis hier, on fait péter ça maintenant. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, salut, c'est Valérie. Ouais, j'en ai marre. Que roux, franchement, là, va falloir que t'arrêtes. Mais Sandro, franchement, allez, fais un petit régime, quoi. Mickaël, fais un peu de cheveux blancs, ça fera mieux. Oh, et Micha. Fin du message. Message suivant. Oh non. C'est top ça. Oh non. Je ne sais pas ce qu'il fait. Rien ne vaut une petite branlette. Bah maintenant je sais. Fin du message. Message suivant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Jean-Luc. Le frère à Jean-Claude. Alors ça fait longtemps que c'est pas vu. J'aimerais te faire un petit dédicace. Alors je vais faire un gros bisou là où je pense. Voilà mon petit Jean-Claude. On se reverra au sex shop. Voilà, bisous mon Jean-Claude. Fin des nouveaux messages. Oh, ça vient de l'inceste, hein. Non, oui. Non mais c'est chaud, c'est-à-dire que le frère il a un sex shop et l'autre il tient c'est surtout un que les deux frères ont quasiment 30 ans de différence. c'est ça. Aussi. Bon, donc alors on fait gagner lequel alors je sais pas si on en fait gagner. Ah bah le dernier, il était mignon. Bah, ils étaient originaux tous hein, pour le coup. Hein. Ouais, enfin, ah presque. Oui, c'est vrai. Celui qui se fait du bien, il est pas mal. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, allez, les deux derniers, Micha. Ça fait longtemps, tu dois avoir des cadeaux en stock maintenant. Oui, on a ça. Hein, et comme en plus on fait des stockages là pour l'instant. Donc, liquidation totale. Tout doit disparaître. Et là, voilà. La semaine prochaine, on aura un putain de cadeau Twilight. Ah bon? Ouais, on offre des places pour aller à la convention Twilight. Oh, ah, c'est quoi? Fort. Joe Teasing. Bah c'est en fait c'est un truc où t'as tous les acteurs de Twilight et tout, les gens qui se déguisent, c'est un peu marrant. C'est un peu comme le truc des mangas. C'est une espèce de salon quoi. Ouais, voilà, c'est à Las Vegas souvent. Et voilà. je crois que le là, c'est à Paris. Le Crédit Agricole a fait une carte bleue Twilight. Oui, j'ai vu ça, ouais. Putain. J'ai vu. Non mais c'est bien, elle est pas mal hein. Bah oui, moi j'avais ça sert fait... à rien, ça c'est vraiment pour niquer les gens, à quoi ça sert. Mais non mais c'est joli, regarde en Belgique par exemple, ça se fait pas encore ici mais je suis sûr que ça va arriver. J'avais fait une carte avec le logo de l'émission. Oui, donc mais c'est tu peux choisir. Ouais, tu peux choisir. Si t'es dans une banque, tu peux choisir de logotiser ta carte. Ouais voilà, ouais, tu peux mettre une photo, tout ça, etc. Mais par contre là les gens ils vont prendre la carte juste parce qu'il y a écrit Twilight. Bah oui. Bah, moi j'avais mis à l'époque le logo, c'était sans interdit, ils ont rien dit. Et puis je me suis dit tiens, je vais refaire la nouvelle, je vais mettre le logo et Mickaël. Il dit non, c'est une marque, machin, on ne peut pas. Bah je dis enfin bon, c'est moi, c'est la mienne. Ouais mais il faut le prouver. Je dis ouais, je vais vous faire foutre. Je vais pas batailler pendant 107 ans non plus pour une carte pourrie. Hein. Voilà, on va se mettre section d'assaut aussi dans un instant. Et puis ce soir, blind test, comme chaque vendredi, on aura aussi l'occasion de faire un chéri, je t'ai fait cocu ou un GAV. Micha, le GAV ou le cocu, premium, platinium, silver, pourave. Pourave, non, pas loin, la catégorie au-dessus de pourave. C'est quand même dramatique. Faudrait qu'on fasse une échelle ça. Voilà. Cela dit, à chaque fois qu'il dit que c'est énorme, c'est pourri. Quand il dit que c'est pourri, c'est bien. Donc on n'est pas là pour qu'au final il soit pas mal. On verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous inscrire, 612, débutez par énergie, puis vous mettez GAV ou cocu en fait, avec votre numéro de téléphone tout simplement. On aura aussi l'occasion de faire un petit on ira chez Jean-Claude, donc au Fucking Blue Boy, et puis on fera aussi un Sarco Game d'ici quelques minutes. Ah oui, Radio Chatas, putain, j'ai oublié. Merde. Ah bah ouais. Ça va arriver dans quelques minutes d'ailleurs. Ah oui, bah là tout de suite. Ah bah le temps d'écouter Section d'Assaut. Ouais, voilà. Voilà, on est. Bah désolé. Okay. Ça porte bien son nom, tiens, pour une fois. Mickaël, le podcast. Qu'est-ce que c'est fatigant. En plus, c'est systématiquement la même chose. Bonsoir. Ça va. C'est qui la tête de con qui gueule? C'est toi. Ah non, on va le laisser. Ah mais ça va être chiant pour tout le monde hein. Ouais mais ça va être chiant pour lui un moment aussi. Ouais mais ça va être chiant surtout pour nous hein. Non, je vous explique, j'ai déjà refusé de partager ma case avec Jean-Claude, c'est pas pour la partager avec une autre tête de con hein. Ah mais on va voir combien de temps il reste. Ouais, ça va me fatiguer très vite hein. Ta gueule. Ah ouais, bon, bah t'as pas... Y a que toi qui as autorité aussi. Ah bah oui, mais enfin bon, chacun le patron. Hein. T'as pas eu de la patience. Ah non, j'ai pas eu la patience. Non, ça fait déjà une minute là, j'ai pas la patience, je te le dis direct. Hein. Bon, donc tout à l'heure. Je crois que t'as fait fatiguer. Oui, on m'a dit, j'ai vu tout à l'heure avec les gens qui géraient les conducteurs chez vous. On m'a dit que j'avais pas de casse ce soir. Y a que des gens qui gèrent des cons ici. Hein. Ah bon, enfin bref. On m'a dit que la casse que j'avais la semaine dernière, je l'ai plus ce soir. Donc je comprends pas pourquoi, parce que l'audience avait monté. Parce que le CSA nous a interdit de te diffuser après 23h. Ah bon? Oui. C'est pas assez crade. Voilà. Ah ouais. Bah je peux faire plus crade hein, s'il faut. Hein. Non mais ils veulent pas. Que tu... Bah j'irai voir avec eux, je leur ferai une lettre. Enfin, une lettre avec accusé d'envoi. Ouais, c'est comme Bigard, on devait mettre des mentions légales et tout, mais à la radio ça passe pas donc. D'accord, ok. Bon, vous me prenez un peu pour un con là, non? Oui, bah c'est pas très difficile en même temps. Bon allez, faisons le Radio Chatas, ne perdons pas de temps déjà que j'ai plus qu'une case hein. On appelle le premier. Je suis saoulé déjà. On appelle le premier. Ouais. Allez, c'est parti. On revient à ma deuxième case. Allô monsieur Alain. Oui. Oui. Oui, bonjour monsieur Alain, vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas, c'est Bilou au téléphone. Radio Chatas. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous écoutez souvent Radio Chatas? Radio Chatas. Radio qui? Radio Chatas sur 109.3. Oh non, j'écoute jamais ça. Vous avez déjà entendu parler quand même? Non, jamais. Ah jamais? Écoutez, c'est pas grave, soyez le bienvenu. Je vous appelle pour vous poser une petite question. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux, c'est gratuit. Ah ouais, qu'est-ce que je gagne? Ah ben ça vous verrez quand on vous aura gagné. Ah ouais, d'accord, ok, alors. Alors je vous pose la petite question, d'accord? Ouais. Alors attention, que dit un bébé éprouvette à son père? Attention, 10 secondes. Que dit un bébé éprouvette à son père? Oui, à son papa. Plus que 10 secondes. 10 secondes. Que dit un bébé éprouvette à son père? Attention, attention. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux, attention. Cadeau à la clé. Monsieur bah, Alain. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Bah, il dit un bébé éprouvette à son père. 10 oui, secondes. Ah, il dit un bébé. Non, que dit un bébé éprouvette à son père? Bah, papa. Il dit papa. Ah non, malheureusement, j'ai pas mal de réponse. Oh. Il répond, salut branleur. Ah bah, salut branleur, ah ouais. Ah oh oui, là, bébé éprouvette. Et oui, oui, c'est ça l'humour sur Radio Chatas. Salut branleur. Mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'espère que je vous ai pas choqué. Non, ah non, pas du tout. Non. Je pense que je m'en passe. Ah, écoutez, c'est pas grave. Vous retenterez votre chance à l'occasion. Est-ce que vous écoutez souvent Radio Chatas? Radio Chatas. Ouais, non, j'écoute pas. Okay. Non, jamais. Bon, vous connaissez le nom de la radio? Non, non. Radio Chatas. Radio Chatas. Radio Chatas. Chatas, avec un S, enfin deux. Et c'est sur combien, vous 109.3. 109.3 109.3 FM, stéréo. Ah bon, je sais pas, je l'ai jamais eu. Ah bah c'est pas grave, c'est une nouvelle radio, vous aurez l'occasion d'écouter. Ah, c'est une nouvelle radio. Mais bien sûr, 109.3 FM stéréo. Nouvelle radio Chatas. Bah je vais essayer de voir si je vous ai. Vous êtes également dans quelle ville exactement? Bah, Tiche. Ah oui, alors c'est en mono alors, hein. Ah bon, ah plus... oui, on n'a pas mis la stéréo là-bas, hein, ça sert à rien. Oh non, non, ah oui, vous êtes rétrograde là ou... Ah bah oui, bah, sur les grandes ondes à 1h du matin jusqu'à 4h. Mais c'est plus compliqué là, hein. Oh là là. Ouais, voilà. Bon, 109.3 FM ou 640 MW. Ok. La nuit, ok. 640. Merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Alain. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci. Allez, t'es gentil. Il a dit que j'étais conne, non? Il est pas cette conne, il a dit. Ou j'ai rêvé. Ah ouais, t'as pris une femme. Eh ben, c'était un trou du cul, finalement, hein. Alors, pourtant, on a mis le, hein. Il a mis la tiche, quand même. On l'avait mis, quand même, merde. On l'avait mis du lourd, en plus, hein, la question. Bah, la stéréo. Ah oui, d'accord. La stéréo était mise. À tiche. À tiche. Mais oh, non, en fait, hein. Bon, on en appelle un autre ou on n'a plus le temps? Comme tu veux. Bah, on appelle un autre. Bah oui, mais enfin, déjà que j'ai plus qu'une case. Allez, on appelle un autre. Allô, madame Denise? Allô? Oui? Vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas. Vous écoutez souvent Radio Chatas, madame? Pas du tout. Ah, jamais? Vous avez déjà entendu parler? Allô? Oui? Vous avez déjà entendu parler? Pas du tout. Jamais? Écoutez, c'est pas grave, soyez la bienvenue. Je vous pose une petite question. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux et c'est gratuit. Ouais, mais... Alors, posez une petite question. À votre avis, qui sauve les mariages? Je sais pas. Vous dites au hasard, on sait jamais. Non, je sais pas. On sait jamais. Bonne soirée. Non, on dit ta réponse. Qui sauve les mariages? C'était la fellation. Allô? Madame Denise? Elle est partie. Heureusement qu'elle a raccroché. Bah, je suis déçu en plus. Ah oui, elle était tellement bien la question. Bah oui, elle était bien, non? Magnifique. Elle était sympathique. Ah ouais, t'es génial. Ah bon? Vous n'avez pas aimé? Non, mais c'est pour ça que t'as plus de cases en fait. Et par contre... Ah ici, j'ai une case, j'aimerais bien deux cases. Enfin bon. T'as viré ton assistante? Oui, aujourd'hui je lui ai donné congé, elle m'a fatigué. Non mais c'est vrai, en plus elle connaît jamais son prénom, c'est fatigant la femme aussi. Mais c'est bon. Parce qu'elle change toutes les semaines ton assistante. Bah oui, mais enfin elle avait caressé la même. T'as même pas aperçu que c'était pas la même toutes les semaines. C'est toi qui l'as viré, hein. Elle change pas son prénom, c'est juste pas la même meuf. Ah bon, bah pourtant elle a une voix identique. T'es un tyran. C'est bizarre. Ah non. Ah si, tu prends que des stagiaires. Bon. Je reviens tout à l'heure. Non, c'est pas sûr. Ah bon? Peut-être. Prépare, on sait jamais. Ah. Bah je vais préparer, mais si je reviens pas, ça va chier. D'accord. Et je veux pas la case avec Jean-Claude. Si tu reviens pas, ça... Mais je ne veux pas la case avec Jean-Claude. Ça chira pas si tu reviens pas. Ah ouais. Surtout qu'il faut avoir envie. Oui, mais je ne veux pas la case avec Jean-Claude. D'accord. On verra. Je voudrais être seul. Ouais, bah tu seras ça, peut-être seul. Bon, bah très bien. Allez, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Au revoir. Il est gentil. Oui, mais il râle. Oui, bah comme d'habitude, en même temps, c'est l'habitude. Il est français. Hein. C'est tous les... Certainement, ouais. Ah, il doit être bien de là alors, à mon avis. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Oh là là, minimum. Michael, le podcast. Et il est l'heure maintenant de passer au Sarco Game. Il y a Fabien et il y a Habib qui sont là. Salut tous les deux. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Bah, ça va très très très bien. Bon, alors est-ce qu'il y en a un de vous deux qui voudrait échanger l'animateur qu'il a pris pour prendre Micha à la place? Non. Moi c'est bon, je reste avec le roux. D'accord, avec Yolande de la chance. Attends, c'est pas obligatoire. Si Fabien il a pas envie de changer, il n'est pas obligé de changer. Mais non, il peut changer. Non, c'est bon. Non, bah. Bravo. Bon ben voilà, alors. Donc, bien tenté. Donc Fabien joue avec Sandro, Habib joue avec le roux. Petit test technique. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Oui, salut Nico. Bonjour. Voilà. Ce qui est bien, bonjour Mickaël. Salut Nico. Bonjour, Nicolas. Ce qui est bien, c'est que le roux a appris à ne plus sauter dans le meuble. Ça fait mal, ouais. Un roux. Voilà. Non, je saute dans l'air. Ils sautent en l'air, mais avant ils donnaient un coup de pied dans le mur, dans le petit meuble, et forcément bah ils cassaient le meuble. Et puis, bonjour Sandra. Ça faisait mal. Hein. Salut. Oui, bon, il va passer dire bonjour à toute la soirée tout le temps. Bonjour roux. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Toff. Bonjour Nicolas. Parfait. Première question, qui est d'une facilité extrême. Attention. Un acteur a dû perdre 24 kilos pour les besoins d'un film. De qui s'agit-il? Micha. Habib. 50 Cent. Bonne réponse pour Habib, décharge pour Sandro. Bien joué Habib. Voilà. Ah, je savais bien que t'aimais la douleur toi. Ouais, ouais. Deuxième question. Les enfants d'un chanteur décédé vont toucher près de 33 millions de dollars d'héritage. Quel est ce chanteur? Cette question est compliquée. Mais non, elle est pas compliquée. Fabien Habib. C'est pas Johnny, il est pas mort. Non, c'est pas faux. Allez au hasard. Habib. Ouais, j'allais dire Habib justement, ça tombe bien. Michael Jackson. Michael Jackson. Même j'ai entendu qu'il y avait eu que ça se passe très mal entre eux, etc. Il y a un conflit apparemment d'après ce que j'avais entendu. Tu validerais ça Roux, si tu avais la possibilité de valider quelque chose? Ouais. Ouais. Bonne réponse. Bien joué Habib. Oh là, tu nous as défoncé. Oui, les oreilles. Bravo. Ouais. Troisième question. Quelle gaffe a fait Marc-Olivier Fogiel il y a quelques jours à la radio alors qu'il croyait son micro éteint pendant un portrait de la championne de tennis Marion Bartoli? Habib. Au hasard, mais je sais pas, il l'a insulté. Il l'a insulté. Mauvaise réponse. Pardon. Décharge. D'où mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Hop là. Il a dit que c'était Habib. Une grosse. Habib, il a dit que c'était grosse. Non, c'est non, pas non, toi. Habib, tu as déjà donné ta réponse. De toute façon, t'as gagné, mauvaise. mais il a dit qu'elle était grosse. Pas forcément gagné, on va faire une petite prolongation ce soir, je suis en forme. D'accord. Alors, tu valides Fabien ou t'as une autre idée? Ouais, qu'elle était grosse. J'ai aucune idée donc. T'as aucune idée donc? Ok, d'accord, ouais. Très bien. Eh bien, bonne réponse. Putain, j'avais les trois abusé, ce soir. Ça avait abusé. Vénère. Ah pour une 2, 1. Abusé. Ouais, ouais, je suis d'accord avec le roux. Il l'a insulté, elle est grosse. Et volé, ben, le roux écoute, a été volé sur oui, cette ben, je m'en branle, c'est comme ça, la réponse étant marquée telle quelle, point barre. Ouais, mais le roux a été volé. Le roux chipote? Non. Ah. C'est Toff qui chipote pour moi. Mais Toff, t'es l'avocat du roux. Non, pas du tout. Mais ah. Je veux bien mettre une décharge. Non, c'est bon. Bah, pourquoi Sandro, qu'est-ce qu'il a rien dit? Rien demandé. Pour le coup, ça c'était gratuit. Bon. Qui sont Carrington Payne, Vanessa Curry, Jamie Lee Ruiz et Rino Nakasenrazalan? T'es dur. Il faut questionner plus pour taser plus. Eh oui. Attends, Habib, tu essaies de me dire un truc? Non. Des fabricants d'épices. J'ai réfléchi. Oui, bah réfléchis mieux. Allez! Au hasard, Habib. Attends, Fabien, il joue jamais. Ah bah oui. Pour l'instant, c'est Habib qui a toujours donné des réponses comme ça. Hein. C'est des tu le pénalises des alors qu'il participe au jeu. Bravo. Le roux chipote. Le roux a chipote. Ah! Voilà. Tu allais dire Habib? Des sportives. Mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse. Décharge pour roux. Ah! Voilà. Sandro et Fabien, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez vous concerter. Vu les noms, je dirais que c'est des mecs qui ont participé à l'Eurovision. Je répète, qui sont Carrington Payne, Vanessa Curry, Jamie Lee Ruiz et Rino Nakasenrazalan? J'en ai aucune idée encore, L'Euromillion. Et oui, ce sont eux les propriétaires de l'Euromillion. Ils ont chanté à l'Euromillion. Tu dis l'Euromillion. L'Eurovision. Vision, oui. Ah, Vision, oui, la semaine dernière, c'est pas grave. Oui, mais je sais, mais j'ai pas réponse. C'est pas les acteurs de la nouvelle agence Tourisque? Allez, je vais vous aider parce que je suis bon prince. Non, c'est parce moi, que je trouve qu'il y pas deux. Ça très juste. Scherzinger. Allez, tout le monde peut répondre. C'est là, des pilotes de F1. Des pilotes de F1. Non, malheureusement. C'était quoi les Pussycat Boys? Des charges pour Sandro. Et non, c'est pas ça. Voilà. Non, non, non, la réponse était les nouvelles Pussycat Dolls qui ont rejoint Nicole Scherzinger. Parce que toutes les autres sont barrées. C'est des noms de mecs. Carrington Payne, Vanessa Curry, Jamie Lee Rees, Jamie J-A-M-I-E et Reno Nakasone Rosalyn. Ah oui, c'était dur, certes. 2-1. Question suivante, probablement la dernière. Ouais, y a combien de questions en tout là? Je sais pas, on est vendredi, on s'en branle. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, on est là, on est bien là, on est pas bien. Hein, on est bien ou on est pas bien? On est très bien. Ah. En plus, il n'y a pas cours demain, mais on est samedi. Eh ben bon. Voilà. Non, on est bien. On est très bien. Je mets une décharge pour être mieux. Allez, on est encore mieux. Ah, voilà. Mais non, qui m'a foutu un incapable pareil? Oui, ouais, j'avoue. Mais c'est vous en même temps, c'est vous qui l'avez mis à cette place là, Nicolas. Non, c'était une décharge pour être mieux. Ouais, voilà. Ça vous a fait du bien, oui. Je suis sûr à tous les deux. Mais oui, mais c'est ça, on est bien. Ça détend. Bon, question suivante. Dans les bras de quelle chanteuse la mère de Will.i.am fait tout ce qui est en son pouvoir pour jeter son fils? Putain, je voudrais bien avoir sa mère. Ou en tout cas être le fils de sa mère. Enfin, son frère, quoi. Au hasard, Fabien. Ah, je sais pas. Bah, dis au hasard. Dans les bras de quelle chanteuse la mère de Will.i.am fait tout ce qui est en son pouvoir pour jeter son fils? Céline Dion. Mais oui. Mais dans ce cas, je souhaite tout ce qui est possible et imaginable pour que ce ne soit pas ma mère. Mauvaise réponse et décharge pour Sandro. Voilà. Habib. Habib, c'est Cheryl Cole. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok, bah je réponds Cheryl Cole. T'es sûr? T'aurais dit quoi toi si tu pouvais choisir? Moi j'aurais dit Enfin tu peux choisir hein, mais c'est pas ça. non parce que quand t'as dit Arou, t'es sûr? C'était sous-entendu que t'avais quand même une hésitation. Non bah Cheryl Cole. Non mais ça veut pas dire que je ne validerais pas Cheryl Cole hein, mais t'aurais dit quoi toi? Cheryl Cole. Non c'est vrai, enfin, je savais pas, mais c'est juste parce qu'il a répondu assez rapidement, je me dis. Ah oui, tu peux me faire confiance hein, t'inquiète. Okay, Cheryl Cole. C'est mon dernier mot. On n'est pas chez Jean-Pierre Foucault là. D'ailleurs, vous avez vu Jean-Pierre Foucault, ils vont diminuer les gains par deux. Ah bon? Ouais. Non. C'est-à-dire si tu gagnes 1 million, il y a 500 000 qui va à une assos et 500 000. Un téléspectateur et 500 000 pour toi. Ouais, c'est comme prendre ou laisser. Ouais, c'est la crise, mais ça me ferait chier quand même de partager avec un connard là qui a juste envoyé un texto. Ça n'a rien à voir avec la crise, c'est juste pour changer le jeu. Oui, mais c'est nul. Ah oui, mais. Le mec il se fait chier à répondre à toutes les questions, il a la pression, il y a un trou du cul, déjà, il participe, texto, bam, 500 000 euros. Il participe avec un texto, il se fait chier à venir jusqu'à Paris. Ouais, oui, à Paris, bah, il oui. passe, il stresse, on le maquille, tu sais, il est pas bien et machin, il gagne et c'est l'autre qui envoie le texto. Okay. Attention parce que les mecs qui doivent gagner, ils doivent répondre aussi bien que lui à toutes les questions. C'est pas juste à la dernière question. Ah oui, ah d'accord, ok, donc TF1 encore une fois pris des gens pour des cons. Voilà. Puisque si tu lui réponds à toutes les bonnes questions, ça veut dire que tu lui réponds en même temps, donc envoyer un texto à chaque fois. D'accord. Et donc c'est la vache à lait, quoi. Voilà. Non, mais c'est plus facile pour ceux qui sont chez eux vu que. C'est ça, vu qu'ils ont internet. Ouais. Ils sont tranquilles, enfin voilà, ils n'ont pas toute la pression. Évidemment. Bon, sinon la réponse c'était Cheryl Cole, décharge pour Sandro. Oui, bravo. J'ai tenu un peu la pression là pour que Sandro se demande si c'était la bonne réponse ou pas. T'aimes bien, hein, t'as mal, hein. Ouais. J'ai mal, mais j'aime pas. Et là, c'est un autre problème, effectivement. Bon, et ben bravo à toi, Bib, c'est gagné 4 à 1. C'est pas mal. C'est 5 questions, parfait. C'est pas ce qu'il me semblait. Ouais, on a fait 5, quoi. Le candidat du roux a été très bon aussi. Non, 3-1, si je puis me permettre, parce qu'il y a une réponse, vous êtes passé à côté de Scherzinger Pussycat Dolls. Bon, ben bravo à Bib, tu vas retourner chez Michel, prendre tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau très vite. Merci, je t'en prie. Beaucoup, allez, bonne soirée, au revoir. Allez, salut à toi, à bientôt. Et puis Fabien, bah, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, bah pas de soucis, je peux passer une petite dédicace. Vas-y. Bah je passe une dédicace à Eva, Cécile, Max et tous ceux que j'oublie. Oui, bah, ça leur fera plaisir. Hein. Salut ouais. Fabien, à bientôt. Salut. Allez, ciao. Et puis au revoir Nico, il y a lundi. Mickaël, le podcast. Ce soir on reçoit Clément Lanoux, donc qui, pour ceux qui ne le savent pas, donc qui est Clément Lanoux justement, c'est un humoriste qui vient nous parler de son spectacle Comment nager dans le bonheur quand on n'a pas de maillot. C'est voilà. bien ça? C'est exactement ça. Bon, bonsoir Mickaël. Salut Clément, ça va bien? Bah très bien, merci de me recevoir parce que c'est vrai que je suis pas très très connu. Bah, c'est bien parce que les gens m'embêtent pas dans la rue, mais du coup ils viennent pas non plus au spectacle. Donc c'est sympa. Pourquoi cette chemise? chemise noire, un deuil ou... Pas du tout, non, je pensais qu'il pleuvait. C'est là qu'il m'aurait dit oui, j'aurais eu l'air bien con. Et voilà, non, je ne sais pas, j'avais plus que ça. Ah, tu pensais qu'il pleuvait, ouais, donc il y avait un temps pareil, tout à fait, mais ça dépend. Je suis parti le matin, je regarde pas. Je me suis habillé, je suis désolé. Mais on m'avait dit pas les fringues, ça Écoute, oh, ça va, en même temps, ça va, t'avais une chemise noire, t'aurais pu avoir une chemise des îles, tu vois. Fleurs, tout ça, voilà. Non, ça va, c'est habillé. Je me suis dit la dernière fois, je suis venu, il y a des fringues Lagada, des trucs, j'étais passé. Oui, c'était quand il y avait tu Facebook, Bel Air DJs. Exactement. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Toff est déçu, t'es pas revenu avec la fille. Ouais, je suis très déçu. Eh ben écoute, j'étais avec elle tout à l'heure, j'aurais pu. Eh ben voilà. Ah bah écoute, si j'avais su. C'est dommage. Non, je suis déçu en plus, elle me rappelle pas, elle m'envoie pas de message. Mais ça c'est normal. Voilà. Est-ce qu'elle a pris ton numéro déjà? Non mais non. Non, c'est. Bon, alors c'est assez logique qu'elle te rappelle pas. C'est à elle de le trouver. Ouais, se débrouille un petit peu. C'est ça. C'est pour voir si elle me désire vraiment. Voilà. Je pense qu'elle préfère ne pas se débrouiller alors. Ouais. Je pense qu'elle va laisser tomber. Elle avait pas l'air courageuse. Non, elle avait l'air à bloc. Ils disent n'importe quoi. Mais j'essaie de leur faire comprendre, mais ils veulent pas me croire. Voilà, t'as un temps d'avance sur ton époque. Non, elle avait pas l'air à bloc, elle avait l'air de bloquer son numéro. C'est ça. Pas totalement la même chose. Clément Lanoux souffre donc de la même maladie que Toff, la mythomanie. Ouais, c'est ça. Non, c'est l'espoir, tu sais, tu veux pas lâcher prise. Tu dis toujours non, c'est pas mort. Il y a un moment, il faut pouvoir se dire non. Voilà, je pense. Enfin bon. Bon, d'ordinaire, quand on reçoit un invité pour la première fois, on lui fait l'interview première fois, bah toi, on va un peu changer, on va faire l'interview dernière fois. C'est gentil. C'est horrible. Grand espoir à ma carrière. Bienvenue chez nous. Ouais, non, mais là, j'ai une carrière magnifique, c'est la fin, là, je pense. Bon, écoute, c'est bien. Le principal, c'est que ça ait démarré un jour, même si ça a pas duré longtemps. Exactement, ça y est, c'est fini. On verra. Bon, alors, est-ce que tu te souviens de ton dernier disque que tu as acheté? Le dernier disque, même pas. J'ai pas envie de dire que je l'ai téléchargé, mais j'écoute la radio en permanence, donc j'achète très peu de disques. Non, mais il y en a bien un dernier. Le dernier que j'ai acheté, ça devait être les Spice Girls. My Lover. C'était pour ma sœur. Oui, bien sûr. C'est pas une excuse. Donc voilà, si elle allait pas bien, elle avait besoin d'écouter les Spice Girls. On sait bien que toi, c'est plus les images que tu télécharges. Exactement. Voilà. Je vois qu'on est sur le même. Est-ce que tu te souviens de ton dernier amour? Mon dernier amour, oui. C'était il y a 10 minutes justement. Mais je vais pas en parler parce que c'était là. Elle est dans le clip justement. Donc, ah merde. Non, c'est pas vrai du tout. J'ai voulu lui faire flipper. Donc c'est le même que Toff alors. Joe Lamito. C'est ça? Le même. C'est Joe Lamito, très bien. Est-ce que tu te souviens de ta dernière cuite? Ma dernière cuite, c'était il y a très peu de temps. C'était d'ailleurs. C'était il y a 10 minutes d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai oublié. C'était il y a jeudi dernier. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de boire, de fumer depuis. Je me suis dit, j'arrête tout. Donc là, j'étais malade jusqu'à aujourd'hui à peu près. Tu dis toujours ça quand tu sors de cuite monumentale. Tu dis j'arrête tout. Et finalement, tu reprends. Voilà, plus jamais. J'arrêterai définitivement. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu arrêter? Parce qu'il y a dû avoir un événement spécial. Pas du tout. Je suis rentré le lendemain, j'avais mal à la tête, je suis tombé malade et je me suis dit plus jamais je fais ça. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fêté comme ça et je me suis dit voilà, d'où la chemise noire. Je me suis dit je suis en deuil, j'arrête. Mais les râteaux, c'est pareil. Hein. Chaque fois que t'en prends, tu dis bon, c'est le dernier, j'arrête. Ouais, hein. J'arrête. Et ça continue finalement. C'est ça. Tu as fêté quoi en fait exactement? Oui, c'est vrai. T'as fêté quoi? Écoute, c'est une bonne question. Je crois que qu'est-ce qu'on fêtait? J'étais avec des amis. C'était le jour de la fête des voisins, mais on fêtait pas du tout les voisins. Justement, vous venez et puis on est resté. Il fêtait la picole. Hein. Voilà. Exactement. Voilà, on était contents. Bon. On sortait de répétition. On a dit allez, on fait la fête. Est-ce que tu te souviens de ta dernière baston? Jamais de la vie. J'ai voulu pas un vrai. Jour, j'ai failli taper un mec, mais j'ai un copain qui l'a tapé à ma place. Ah merde. Je me suis retrouvé, je suis anti-violence. Et il y a un mec qui était devant moi comme ça. Je me suis pris un coup. Je l'ai attrapé. J'allais lui en mettre une comme ça. Il m'avait rien fait, mais ça faisait partie du jeu. Il y a un autre mec qui est arrivé les deux jambes en l'air et qui l'a pris à ma place. Ah fort. J'ai dit, mais la seule fois de ma vie où j'allais peut-être taper quelqu'un. Bah moi, ça manque. Moi, ça m'est arrivé une fois à peu près le même genre de situation. Tu t'es battu, toi? Une fois, j'étais vénère contre le mec qui m'avait fait chier tout le temps. Je lui ai mis une patate. Et tu sais, au lieu de dire voilà, j'ai directement je t'ai voir, je fais ça va, t'as pas de mal. Ouais, c'est ça. Mais si t'as envie de te battre, tu vas au Parc des Princes hein, pour le coup. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est à l'époque, j'étais petit. Il y a des gens qui sont gratuits pour ça. Ah ouais, je sais. Bon, est-ce que tu te souviens du dernier spectacle que tu as vu? Le dernier spectacle, oui, c'est Constance, une humoriste qui s'appelle Princesse Constance. Le spectacle, c'est Je suis une princesse bordel. Voilà, très très bon spectacle. Écoute, ça a l'air sympa, effectivement. Est-ce que tu te souviens de ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était en Guadeloupe, au mois de janvier, c'était sympa. Chier, hein. C'était pour le boulot. J'ai fait le spectacle. Dis donc, alors. Dur la vie, dur. Voilà, tout à fait. Ah ouais, trop trop dur la vie. Ton dernier sketch que tu as écrit? Le dernier sketch que j'ai écrit, j'en ai commencé un tout à l'heure, mais j'ai écrit que deux lignes. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'actualise un peu le spectacle avec ce qui se passe. Et là, j'étais sur Zaya et Ribéry, un petit peu. D'accord. Voilà. Okay. Prendre dur que justement l'équipe de France n'arrivait pas à faire trois passes dans la même soirée, sauf avec Zaya. Ouais, c'est voilà, ça, ouais. C'est un peu le début du sketch, mais je ne vous en dis pas plus. Non, il vaut mieux pas. Donc, quel est ton dernier joint? Enfin, est-ce que tu te souviens de ton dernier joint? Oui, quand j'ai refait mon lavabo il y a environ 3 semaines. Non, pareil, Oh là là là là là là. Politiquement correct, attention. Le festival de vannes. Il y a un petit moment, parce que pareil, moi, si j'en prends un, après je dors direct, donc je suis plus du tout sociable. Je ne fais même plus de phrases, je fais plus d'humour, je fais plus rien. Donc, je pense que je suis. Tu as le joint qui endort. C'est comme ceux qui picolent. Il y en a qui sont violents, il y en a qui sont qui disent n'importe quoi. Il y en a qui s'endorment. Non, moi autant j'ai l'alcool très joyeux, je suis créatif, voilà. Mais non, le joint, je dors direct. Comme t'as dit que tu ne boirais plus, donc tu ne seras plus créatif. Voilà, donc les prochains spectacles seront mauvais. Exactement. Ou alors si je vais trouver autre chose. Je pense. Mais c'est l'interview de la dernière fois. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tout est lié finalement. Est-ce que tu te souviens de ta dernière expérience sexuelle? Ma dernière expérience sexuelle, c'était avec un dromadaire. Un dromadaire. C'est extraordinaire. Le dromadaire a une bosse. Ouais, c'est ça. T'en es bien sorti, hein, dis-moi, t'es toujours là? Oui, tout à fait, mais tu vois, je suis assis. Je marche difficilement. Voilà. Il a eu du mal à s'asseoir quand il est arrivé d'ailleurs. Exactement. Hein, mais bon. Est-ce que tu te souviens du dernier spectacle que tu as fait? Le dernier spectacle que j'ai fait, c'était j'ai joué à Toulouse. D'accord. J'ai joué à Toulouse, juste à côté de Toulouse, à Saint-Jean, c'était très sympa. C'était une salle merveilleuse qui devait faire 200-300 personnes et les gens étaient. Et ils étaient 4. Ils étaient 4. Ouais, je donne toujours le nombre de places. Hein, ouais, c'est toujours mieux. On a fait une salle de 2000 personnes, là on était 8. C'était bien parce que ça résonne. J'ai fait bien. Le Stade de France, il y avait mes techniciens et moi. Sur 8, il y avait 6 amis. C'est ça. Et gratuit. Hein. Voilà, mais c'était pendant un match en fait. Je faisais des vannes à mes amis pendant un match au Stade de France. D'accord. Écoute, c'est bien aussi. Faut survivre. Bon, le spectacle s'appelle Comment nager dans le bonheur quand on n'a pas de maillot. Alors, il y a quoi dans le spectacle au juste? Alors, c'est un spectacle basé sur les médias, sur la pub un petit peu, parce que je viens vraiment moi du monde de la radio. Et c'est en fait un ensemble de plein de questions existentielles qu'on s'est posées tous au moins une fois dans notre vie, du style combien mesure le terrain d'Olivier Tom? Voilà, c'est la question. Oui. Donc la réponse. Il mesure 5-6 épisodes, je pense. Oh, voilà. Minimum, sans compter la pub. Ski au niveau de du réel, 7-8 km. Voilà, tout à fait. À peu près. J'ai, hein. J'ai tout un épisode sur Olivier Tom où je me dis aussi, mais c'est bizarre parce que courage, hein. ils étaient merveilleux quand même dans Olivier Tom. Tu vois, ils passaient à la télé. Il y a un mec qui commente le match, il connaît le nom des joueurs. Ça passe partout dans toutes les télés du monde. Ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont 10 ans. Ça fait comme si chez nous en France, ils étaient en poussin, quoi. Les mecs, ils sont jamais rien devenus après. Donc j'essaie de me poser aussi des questions sur la sexualité. Tintin. D'accord. C'est dans les dessins animés. Il est gay. Bah, on sait pas. Non, il est zoophile. Hein. On sait pas du tout. Voilà, moi je sais pas. Il y a eu Tintin au Tibet avec Chang. On sait pas. On connaît pas la sexualité de Tintin. Je tiens à rappeler que le roux il y a peu avait la houppette. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Ah d'accord, ok, donc très bien. Okay. Bon, qui c'est qui a écrit le spectacle? C'est toi? Moi tout seul, Stéphanie Taourou pour la mise en scène, puisque au début je bossais vraiment tout seul et c'est hyper important d'avoir un œil extérieur. Ouais. Et au niveau de l'écriture, non, je me débrouille tout seul avec l'alcool. D'accord. Et alors comment tu fais pour écrire un sketch là? Quelle est l'inspiration? Alors, l'inspiration vient assez facilement. C'est vrai que j'ai cette rigueur-là pour j'ai des idées vraiment à la seconde. Donc ça, c'est pas mal puisque moi, j'ai bossé pour pas mal d'émissions, donc télé-radio, des choses comme ça. Ouais. Donc en bossant d'autres émissions, je mets toujours 2-3 idées de côté. Et puis un jour, je me suis dit tiens, je vais prendre ça. Le spectacle a été écrit assez rapidement. Je suis parti encore une fois avec en vacances, les brouillons de avec les brouillons. Je suis parti avec plein d'idées dans la tête. Ouais. En fait, je suis parti en voyage à l'étranger. Je suis revenu 3 semaines après. Le spectacle était construit. Après, on a bossé pendant 6 mois pour vraiment le mettre en place. Mais l'écriture, ça va super vite. Ouais. Et alors justement, tu parlais tout à l'heure de Tintin, son homosexualité, sa sexualité tout court, en fait, tout simplement. Qui s'est arrêté depuis qu'il était au Congo. Exactement. Ouais. Il a eu direct. Peur, voilà, comme moi avec l'alcool, il en a vu. Et il y a aussi qui a inventé le mot gambadé, etc. etc. Exactement. Qui a inventé les signes astrologiques. Est-ce que tu as des réponses à apporter? Ça, c'est le principal en fait, aussi. Tout est parti de là. Il y a des mots que je trouve super marrants dans la langue française, comme le mot Bermuda. Je me suis toujours dit, c'est horrible. À quelle époque il a été inventé? Et je me suis dit, est-ce que les mecs qui inventent des mots, le mec qui a inventé le mot parpaing, est-ce qu'il touche des droits à chaque fois qu'on utilise son mot? Et donc, j'ai un petit dictionnaire. Déjà, il a très mauvais goût. Exactement. Alors, j'ai un petit dictionnaire à moi, je voulais ramener en plus. J'ai un dictionnaire avec que des mots que j'ai inventés. Ouais, sinon, il y avait concubin aussi qui est très beau. Concubin, c'est des très beaux mots. Très beaux mots, là. Et donc, j'ai décidé d'en inventer. Je me suis dit, si je peux en placer 2-3 dans le spectacle ou à la radio, si les gens peuvent s'en servir pour que dans 10-20 ans, tout le monde parle cette langue et que je touche des droits d'auteur, ça peut être super sympa. Ah, bah, ça peut être super. Je sais pas, tu prends la lettre, par exemple, la lettre B. Allez, B, allez, vas-y. Bedon, nom masculin. Surnom donné aux individus aimant la bagarre. Alors bagarre, non féminin. Ah oui merde, parce que forcément, forcément violence gratuite exercée sur les roues. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Il y avait bre justement, non masculin, cri de guerre des bedons avant une bagarre. D'accord. C'est que des mots comme ça, voilà, j'ai un mot que j'aime bien. Ton dictionnaire, j'ai envie de dire. Ah ouais non mais c'est mon dictionnaire en entier, donc je pense qu'il faut qu'on le commercialise. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est sgazgozvoula. Oui, c'est le mec bourré. C'est du français ou... Ouais, non masculin, d'origine on sait pas trop où justement. Moment de solitude qui intervient juste après une grosse boulette où vous avez envie de pleurer mais vous devez vous retenir parce qu'il y a plein de monde qui vous regarde. Exemple. Qu'est-ce que ce fou là? Ah oui. Tout à fait. Évidemment. Il y a toujours une signification quelque part. C'est toujours un moment de ma vie où j'ai inventé un mot. D'accord. Mickaël, le podcast. Et puis on est de retour maintenant avec Clément Lanoux, donc qui joue le 8 et 9 juin, c'est ça, à 20h au théâtre Les Feux de la Rampe, c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Donc si les auditeurs veulent des informations sur le spectacle, ils peuvent à la limite aller sur ton Facebook. Eh ben c'est conseillé parce qu'on a toutes les vidéos, on fait chaque jour une petite vidéo justement pour promouvoir le spectacle. D'accord. Et j'ai des petites vidéos aussi à découvrir, on en fait une par jour également pour la fondation de Sébastien Grosjean, le tennisman qui a monté une fondation pour les maladies orphelines pour les enfants. Il y a Sébastien Follin qui vient de Sébastien Follin qui est le parrain de la fondation. D'accord. Et du coup moi en fait je suis l'humoriste de la fondation, c'est-à-dire qu'on fait chaque jour une vidéo avec une célébrité. Donc ça va de Adrien Lacarambeux en passant par qui on a d'autres, donc Sébastien Follin, on a fait avec Andy Roddick, on a fait vraiment tous les sportifs, on a fait c'est mieux Adrien Lacarambeux. C'est pas mal pour le tournage et du coup chaque jour sur mon Facebook on découvre une nouvelle vidéo pour justement la bonne cause puisque la fondation ça aide à lutter pour les maladies orphelines pour les enfants. Et donc c'est Facebook Clément Lanoux. Faut taper Clément Lanoux, voilà, L A N O U E. Voilà. Voilà, avec Victor Lanoux. Non, bien évidemment. Bon alors, n'est pas honte de ton papa. Voilà, non non, tout à fait. C'est pas mon père, c'est ma mère. Juste avant le 10, donc je te demandais si tu étais prêt à tout pour vendre ton spectacle. La question n'était pas posée comme ça, mais mais tu as répondu oui. Non, je t'avais dit que est-ce que t'aimerais bien qu'on fasse la promo de ton spectacle pendant toute une semaine sur Énergie. Au début, j'étais très content justement, et voilà. Après j'ai vu des regards un petit peu médisants, comme ça, pas du tout, pas du tout. Qui me font peur. Bon, est-ce que tu es prêt à te frotter à Toff ici présent? Te frotter comment ça? En duel. En duel, enfin, je sais pas. Très peu de gens ont le courage de relever le défi. Alors tout dépend de quel est le défi, mais je veux bien le faire. Mais je pense que je vais perdre, il me fait peur. Il faut que tu boives sa potion en échange d'une semaine de promo non-stop. Oh là ça n'a rien à voir avec ma semence. Hein. Alors, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me faire décéder? Non. Normalement, ça dépend. T'es peut-être allergique à certains trucs. Ouais, mais bon, ça on verra. De toute façon, on a des. Est-ce que je peux voir la substance avant ou pas? Ah oui, la voir. Si, la voir. T'auras l'occasion de la voir et même de la sentir si tu veux. C'est combien de centilitres? C'est pas grand-chose. Regarde, on va mettre ça dans un petit verre, un petit gobelet, même pas rempli à fond. Un shooters, quoi. Tout se mange et tout se boit à la base. Oui. À l'origine, oui. Voilà, il y a pas de choses qui viennent de ton corps. Non. On a pas comme ça. Je l'ai vu dans le bureau aujourd'hui, la semence. Non, on va pas dire la semence. Non, c'est pas la semence. Ouais, c'est le mot semence me fait flipper. Ouais, alors justement, utilise le mot semence. Moi, ça me fait flipper. On a cherché à la banque du sperme. J'ai vu le bidon de semence. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une couleur horrible. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai senti. J'ai eu un relan. Le roux s'est évanoui. Hein. C'est ça, non, c'est ça. Alors de toute façon, je peux essayer de si j'y arrive pas, tant pis pour moi. Bah au final, voilà. Et, mais j'ai envie de dire que je suis joueur. On te rassure, il y a un hôpital juste à côté de la radio. Tout à fait. Cas de problème. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il est spécialisé en pneumologie. Mais bon. Exactement. Ouais, mais... t'as un problème des poumons. Après, tu te démerdes. Oh, je peux avoir un truc là-dedans. Oh là, le truc rentre dans les poumons. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que je vous ai dit qu'il y a environ 5 jours, j'étais pas bien et tout. J'ai arrêté de boire toute substance bizarre. C'est pas de l'alcool. Hein. Tout va bien. Oui, enfin bon, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas vendu comme tel. On t'a quand même préparé une petite feuille si tu peux la signer avant. Ah, c'est horrible. Je veux signer Clément Lanoux. Ah, il n'y a pas de E à Lanoux. Ah oui, donc, voilà, erreur, c'est pas grave. Bah, tu peux signer. Justement, je peux signer, il n'y a pas de problème. En cas de problème de santé découlant de l'absorption d'un liquide dans le cadre du défi. Voilà. Voilà. Ah, quelle horreur. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers mon équipe. Je mange. Oh, les lâches. Bon, allez, c'est signé. C'est écoute, parti. Quand même une semaine de promo sur Énergie. Toff s'engage. Exactement. Alors, une belle promo. Je sers la potion. Mon dieu, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait c'est horrible. Le verre. Vous me faites peur. C'est chaud, c'est froid? C'est froid. C'est froid, c'est froid. Oui, c'est tiède. Enfin, c'est, ouais, c'est alors, je vous rappelle que j'ai un spectacle mardi et mercredi prochain à assurer si je ne peux pas faire comment on fait. Tu fais le spectacle à ma place? Avec plaisir. Ça va être bien. Ah, t'es mal barré. Ça va être sympa. C'est parfait. Ah non, pas le potage à la tomate de la machine à café. Non, ça serait succulent. Ce serait pire que ça, je crois. Non. Attention, je viens de Vendée. On boit tout et n'importe quoi. Ça tombe bien. Oh mon dieu. Oh l'odeur. Alors, l'odeur. Quelles essences tu reconnais? Alors je pense que vous avez tué des gens. Déjà, oui, il y a des restes dedans. Il y a du sang. Il y a un truc un petit peu fruit des bois. Moi je pense que ça serait du Beaujolais peut-être. Ou alors il y a du Beaujolais, exactement. Non, si ce n'est pas du Beaujolais, c'est du aîné. C'est de l'aîné. Pour te tatouer l'intérieur. Tout à fait. Bah, pas formidable, je vais me faire un tatouage. Et j'ai envie de te dire santé. J'ai envie de me dire cul sec ou pas cul sec. Ah bah oui. Ça sera plus... Je pense que c'est plus simple. Il y a quelque chose au fond. Non, pas du tout. Allez, ça vient de là, tu sais, regarde, ça vient de là. Donc il n'y a rien au fond. Deux gorgées. Et la poubelle. Et la poubelle au cas. On a quand même la poubelle en cas d'accident. Deux gorgées, une semaine de promo, c'est difficile. Mais bon. Allez, deux gorgées, une semaine de promo. Après la première gorgée, ça va. Ah, c'est dégueulasse. C'est même pas une gorgée que t'as pris, ouais, là, t'as trempé tes lèvres. C'est pas grave, on t'a pas dit, mais c'est deux gorgées pour tout boire. Hein. Non, il m'a dit deux gorgées. Hein. Non, mais il faut le finir. On avait prévu le cul sec, on s'est dit on va couper en deux. On aura plusieurs gorgées. Non, mais la chance, il y a du vinaigre. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Allez, courage. Ah, c'est ah, avoir sa tête, ça me dégoûte. Ah, c'est quoi? Flipper, il y a rien, je peux pas mourir. Il y a rien. Mais non, t'inquiète pas. C'est des médicaments? Non. Non. Non, non, non, ce sont que des produits naturels. Que des produits naturels. Ouais, la semence en est, hein, des produits naturels. Il lui dit ça quand il a le liquide dans la bouche. Ça. J'ai des images dans ma tête, mais non, c'est horrible. La moitié est partie, là. La moitié est partie, tout à fait, comme à mon spectacle. La moitié. J'ai perdu la moitié des spectateurs, là, ça y est. La moitié est partie. T'as pas une ou deux questions? Je peux le faire en deux temps ou pas? Non, non, non, bah, non, là, on a terminé, donc. Ah ouais, non, c'est... Fais le cul sec, comme ça, ça passera mieux. Tu penses? Ouais. Enfin, je vais le faire progressivement, parce que... Ah, ça va te laisser le goût dans la bouche. À la fin, on me dira ce qu'il y a dedans, t'inquiète. Tu veux goûter? Je peux faire goûter à des gens ou pas? Qui me disent après pour partager l'expérience. Allez, allez, allez, allez, goûte-moi ça. On va pas chipoter, hein. Attends, le caméraman est en train d'essayer. Ah, c'est horrible. Mais il aime ça. Allez, on va se servir un verre si tu veux, y'a pas de problème. Hein. Il est chelou. Ouais, t'en as goûté ou pas? Non, merci. Nous, on a goûté dans le bureau. Ouais, y'a un peu le truc qui t'arrache la gorge après pendant une heure, c'est ça? Wasabi? Non, non, non, non, c'est de la sauce. Allez, bravo, ça y est, c'est fait. La sauce piquante chinoise. C'est fait. Bravo. Alors, il y avait du sang. J'ai pensé du sperme de taureau. Voilà, tout alors, est dit. Il y avait quoi? Bon, et eh ben comme on n'a aucune parole, tu peux rentrer chez toi. Hein. Oui, non, je me doutais bien que je n'aurais pas le droit, mais je suis joueur. Je suis joueur et je vais vous prendre un verre. Mais si, mais si. Bien parfait, j'en ai d'autres. Voilà. Non, Toff s'est engagé, Toff fera. Non, tu t'es engagé pour moi, c'est pas pareil. Il y avait quoi dans tu vas faire la promo. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a d'abord ou pas? Oui, bien sûr. Parce que je pense que les gens, s'ils se disent il a bu tout ça, ils vont venir forcément au spectacle. Ouais, c'est vrai. Alors il y avait du Beaujolais. Il y a tout ce qu'on a retrouvé dans le bureau, donc non, c'est pas du Beaujolais. Oh, mon Dieu. C'est on a une souris une fois. Ouais, c'est vrai. Il y a la crème de cassis, il y avait l'espèce de liquide de machin là, de liège. Liquide vaisselle? Non, non. Ah oui, comment c'est ça s'appelle? Un alcool à la violette. Ouais, il y avait du péquet à la violette. Ah, horrible. C'était ça que je sentais, voilà, le petit truc fruité, c'était ça là. La violette. De l'huile piquante, de la sauce chinoise. Qu'est-ce que j'ai oublié, Polo? Waouh. Ah oui, la moutarde. De l'eau chaude. Ah, de l'eau chaude. Bien. Et, ah, mais ça, il a pas eu les bonbons énergie. Du sel, du sucre. Donc du sel, du sucre. Et le poivre. Ça manquait un petit peu de sel, mais c'était délicieux. Vraiment. Ah ouais, merci beaucoup. Écoute, tant mieux alors. On est prêt à tout. On est prêt à tout. Impeccable. Donc je rappelle, ton spectacle qui a donc lieu au théâtre Les Feux de la Rampe, c'est dans le 9e arrondissement à Paris. Et donc la suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont Tout à fait. Alors la suite, bah là on est beaucoup sur la fondation. On s'occupe de la fondation avec toutes les petites vidéos. On fait une petite trêve cet été et puis on rejoue normalement là-bas ou ailleurs, mais normalement ce sera là-bas tous les lundis soirs, je pense, à 21h30 de septembre à janvier au moins et plus si affinité. Et puis on va repartir un petit peu en province. Là cette année on avait fait la Guadeloupe, on a fait la Crète. Alors, on a bougé un peu. C'est des belles provinces. Quand on est-ce a que été tu vas aller en Belgique? Ah bah, j'aimerais bien, j'attends que justement je connais pas assez de monde en Belgique, mais je rêverais d'y aller s'il y a des salles, des choses comme ça. Ah oui, il y a des salles, oui, bien sûr. Sinon il y a non, non, mais qui y a des friteries, qui m'appelle, hein, je sais qu'il y a des salles évidemment. Bah il y a des Belges aussi, hein. Voilà, tout à fait. Ah oui, très bon public en plus. Eh oui, ah, ils sont pas très compliqués. Exactement. Non, non, mais je veux dire au contraire, non. Quand je dis très bon public, c'est très curieux. Il y a des villes comme Nantes où je vais jouer assez régulièrement où les gens sortent forcément, alors que même si on n'est pas connu, ils vont voir les spectacles, on remplit les salles. Il y a des villes qui sont beaucoup plus dures à faire marrer et les gens sont... Attends, laisse-moi deviner. Paris. Ouais. Paris, c'est... Bon, il y a de tout. Ouais, Reims, c'est difficile. Il y a beaucoup de théâtre. Reims, c'est difficile. Reims, c'est très très dur. D'accord. À Reims, si les gens font... Tu vas cartonner dans le monde. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Donc voilà, mais donc voilà, toutes les infos de toute façon sur Facebook, vous tapez voilà, Clément Lanoux avec un E à la fin. Donc voilà. Et puis bah écoute, merci Clément d'être passé, hein. Merci. Donc à je vous rappelle 8 et 9 juin à 20h au théâtre donc Les Feux de la Rampe dans le 9e arrondissement à Paris. Et puis bonne chance. Ah bah merci beaucoup. Je vous écoute, j'ai de la promo tous les soirs en plus. C'est pour les chiottes, hein, que je dis ah, ça. Ah d'accord, pour ce que j'avalais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les chiottes au fond du couloir, hein. J'y cours. Merci. Voilà, à bientôt, pas de problème. Michael, le podcast. L'expression du jour, expression donc du vendredi. Voilà, avant de parler club dans quelques instants avec Jeffrey Wigan, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez l'occasion de savoir qui c'est d'ici quelques minutes. Avant ça, donc l'expression du jour, comme je le disais, expression du jour aujourd'hui qui est chargée comme un mulet. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, nous avons donc des annuaires téléphoniques. Nous avons c'est des pour le léger. Ouais, nous avons des rames de papier mais version grosse boîte de combien? 500 c'est feuilles, c'est 80 ça. 80 non, c'est 5 x 5. Ah d'accord, OK, donc 500 feuilles. Ouais, c'est 5. Ça. Ah ouais, donc 500 feuilles par rame et il y a 5 rames dedans. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est OK. C'est rêveur autant Dieu Faro. Très c'est clair. Donc le concept est facile, il va y avoir un battle. On va voir lequel des deux va lâcher le bordel en premier. Il va y avoir Toff d'un côté, Jack de l'autre. Yes. Ça me paraît honnête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre c'est qu'on va mettre la première boîte donc dans les mains, une boîte chez Jack, une boîte chez Toff, et puis après bon, on va rajouter une deuxième boîte chez chacun, une troisième boîte, éventuellement une quatrième boîte, peut-être des annuaires, et puis on va voir le premier qui lâche, bien entendu, a perdu. Nous allons donc pouvoir est-ce qu'il y a une carotte? Est-ce qu'on met une carotte? Parce que c'est pour tenir, pour pas dire ah mais non, j'ai plus envie. Vas-y, mets une carotte si tu veux. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme carotte? Tu mets quoi comme carotte? Une bonne carotte dans le cul à la fin, tu vois. Ah. Non, bah, c'est dommage. Non, c'est vrai, parce que le roux il marche qu'avec la carotte. Ouais, donc, le roux il a pris 5 euros pour les oursins. Oui, mais toi, c'est vrai. T'es un warrior. C'est moins dégueulasse. C'est moins warrior là. Ça fait moins mal. Ouais, on n'a pas besoin de carotte. Allez, pour l'honneur. Allez, on y va. Attention, le premier. Bah, le premier, vous pouvez le porter. On n'est pas obligé de vous le déposer dans les bras. Bon, on commence par une ramette. Non, on commence par une boîte complète. C'est une ramette. Une ramette de feuilles. Ouais. Non, mais on commence par une caisse complète. Ok. La première, et après tu feras des. Après tu mettras des ramettes si tu veux, mais. Et déjà, la Toff, il va pas rester très longtemps comme ça. Hein. Mais si, ça va. Ça va, non? Il risque d'avoir un problème avec le nez à un moment. Attends, il faut mettre chez Jack maintenant. Voilà. Donc on est un partout. Une ramette chacun. Ça fait combien de... Quel poids ça à peu près Attends, je vais te dire. C'est plus lourd qu'un pack de bière, donc c'est plus que 8 kilos. Alors maintenant, 4 annuaires fins. 3. Ah c'est 3, d'accord, c'est ok. Ouais, ah, bon, ouais. Grosso merdo quoi. Eh, mais tu serais à chier à Tetris. Hein. Ah oui, ça... Après, comment tu vas faire avec les gros cartons pour C'est ça, en fait, il aurait peut-être fallu ajouter un deuxième gros carton avant de mettre les annuaires. Les annuaires, c'est pour peaufiner, quoi. Il va pas tenir avec les deux cartons. Mais tu sais pas, t'es en train de faire des pronostics comme ça alors que t'as pas essayé. Tu fais des plans sur la comète. Tu vois qu'il tient, c'est dur, mais il tient. C'est dur, mais ça va, attention. Allez. Deuxième gros paquet. Pour l'instant, ça se passe bien chez Jack. Toff, ça va aussi ou... Ouais, ça va, je gère. Ça va, tu gères? Bon. On enchaîne le troisième paquet ou on peaufine? Allez, troisième paquet, hein, on y va. Il n'y en a pas pour Jack. Ah, il n'a pas assez. D'accord, trois ok. Trois annuaires. Bon, allez, trois annuaires chez Jack. Toff, pardon. Oui, je sais bien que c'est Toff, ouais. Trois annuaires chez Jack. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, personne ne lâche. On est bon là. Voilà, je rappelle, c'est l'expression du jour, donc chargé comme un mulet. C'est donc ça tient. Toff qui a deux grosses caisses, donc qui a 500, 2500, 5000 feuilles, donc des rames en fait. Hein. Non, c'est 500 feuilles. Mais ah, non, c'est 500 feuilles au total. Rames de feuilles. Mais non. Bah si, oui, mais il a raison, hein, Roux, il fait le mariole. Rames de feuilles, s'il y a 500 feuilles, ça fait pas ce poids-là. Hein. Ah ouais, 500 feuilles, c'est pas assez lourd. Hein. Donc 2500 feuilles, 5000 feuilles de chaque côté, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 annuaires pour l'instant. Ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Et c'est le roux qui fait ses petits allers-retours et qui met des poids. Oui, je préfère pour une fois. Ouais, pour une fois, ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on va passer au. On va mettre du visage. Ouais, ouais. Attends, enlève-moi le casque. On arrive jusqu'au visage là. Par contre, il y a un moment, il va falloir mettre du poing hein, parce que j'ai l'impression qu'il galère pas des masses là. Hein. Si, ça fait super mal. Bah, on peut s'asseoir. Hein. Ah ouais, non, vous n'allez pas vous asseoir, ça va être pire ça. Bon, allez, on met du poids. C'est bon, ça gère. Ça gère. On met du poids. Roux, plus de poids. Non, en fait, ça gère absolument rien. Plus de poids. On a mis une rame en plus là. Et hop là, on a mis des annuaires encore en plus. Pour l'instant, ça va être... Attends, tu l'as mal mis. Non, il est bien mis là. Bah ouais, mais ça va tomber du coup. Bah, ferme la bouche. Bon, pour l'instant, ça arrive non, jusqu'à... Ça, on n'est pas à l'abri que ça pose des problèmes chez Toff. Ah, je tiens. On a rajouté un petit annuaire. Allez, tiens, Toff. Deux annuaires. Tu sens le poids arriver en plus ou pas? Pas du tout. Ah bon, d'accord, ok. Rien, parce qu'en fait, ils ont tout dans la gueule. Bah, ils ont tout dans la gueule parce que ça fait une montagne du coup. Je sens rien. Un annuaire de plus? Je sens rien. Un annuaire de plus? Je sens rien. Ce que tu peux faire, Roux, si tu veux faire gagner Jack, c'est rajouter la grosse boîte de feuilles en plus chez Toff. Il va lâcher, t'auras pas eu le temps d'aller chez Jack et il aura perdu. Attends, on va déjà tout mettre, on y est presque là. Au niveau des annuaires? Ouais, ah bah très bien, après on rentrera dans le détail au niveau des feuilles. Vous verrez tout ça bien sûr sur mikael.fr. C'est dur? Ouais, c'est dur là. Mec, j'aurais jamais pu faire ça, c'est ouf. Là, je vais lâcher là. Mais non. Allez, on y va. Là, il va lâcher. Il va lâcher. Mais non. Allez, attention. Attention la tête, hein. T'es prêt? Ouais, vas-y. Beau gosse! Ça tient! Tiens-le. Ah. Ça tient, il a du mal, hein. Je peux plus. Il a du mal, mais ça tient. D'accord, 1, 2... Oh! C'est tombé, donc, hein, c'est... Ah oh, oui, bah, le contrat m'aurait donné, tiens. Essaye de le mettre. Bon, essaye. Oh la violence. Essaye de le mettre chez Jack pour voir si s'il lui va tenir. Putain, c'était chaud. Hein. Ah ouais, bah c'était lourd surtout. C'est trop. Ouais, c'est trop, il y arrive pas. Ah. Voilà. Il y a mon pied en dessous, hein. Ça tient ou pas? Il y a un truc, attention. Rajoutez. Non mais on peut plus là, on peut plus. Bah ici, plus. Tiens. On peut plus. On est à 3. On est à 7500 feuilles. Oh là là, c'est dingue. Ça tient là encore. Continue, taf. Attends, c'est mort. Non, c'est mort. Bon ben voilà, très bien. Nous avons fait l'expérience qui ne sert strictement à rien, hein, que ce soit clair, hein, dans l'esprit de tout le monde. Ça n'a aucun intérêt d'avoir fait ça. Hein. Et Toff, il le laisse en galère. Ah oui, il est en train de ranger. Il se dit, ah, dis donc, j'avais... Il le laisse en galère, c'est Rookie devant, moi je suis derrière. J'avais je tout passe, ça. Tu vois que ça galère quand même, là, merde. Mickaël, le podcast. Lundi, c'était la journée sans tabac. C'est donc un secret pour personne. Je suis un peu l'extrémiste de la cigarette. Non, je dis extrémiste, c'est parce que pour moi, tous les fumeurs, faudrait les tuer, quoi. C'est là où t'es idiot, c'est pas les fumeurs que tu es. Mais oui, mais je sais, tabac, ça va. Oui. Faudrait effectivement. Enfin bon. Bon, et donc c'est pour ça que ce soir je suis assez content qu'on ait celui qui a fait payer plus de 240 milliards de dollars aux fabricants de cigarettes, Jeffrey Wigan, qui est avec nous. Hello Jeffrey. Hello Jeffrey. Hello, how are you? Fine and you? Good evening. Bon, est-ce que tu parles un petit peu français? Very little bit. Comment allez-vous? And très bien. Ah, bonjour, au revoir, tout ça. Yes, all the small words, but not the very big words. Bon, bah c'est déjà pas les, que les petits, mais pas les, des mots très longs. D'accord, bon, c'est déjà bien cela dit. Alors juste pour résumer donc très rapidement, donc t'es un scientifique qui a travaillé dans l'industrie du tabac pendant plusieurs années. Quand tu y étais justement, est-ce que tu savais que le tabac c'était nocif pour les gens ou pas? Tobacco was for the health. I came out of medical and scientific training for 25 years. En fait, il a eu un processus de 25 ans de formation médicale et scientifique, et il savait très clairement avant d'arriver dans la compagnie que la nicotine était addictive en fait, et qu'elle tuait non seulement les fumeurs mais aussi les fumeurs passifs. Ah bah on en parlera dans quelques instants parce que justement comme tu le dis, il y a un français en fait, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est Philippe Even, c'est un pneumologue français qui prétend qu'il y a pas de problème, il y a pas de danger la passivité la respiration. Le tabagisme passif est inexistant. Il a pas dit ça. J'ai vu la vidéo, il a dit que si jamais le tabac n'existait pas, il pourrait y avoir 1000 personnes qui seraient mortes d'un cancer bronchique, et avec le tabagisme passif, il y aurait 1200 personnes. I think he needs to go back to school because he really doesn't understand the science of secondhand smoke. I think the science of secondhand smoke that has been developed by the industry without the public health, WHO or the Centers for Disease Control. En fait, il pense que Philippe, c'est comment Philippe Even doit vraiment retourner à l'école et relire les études qui ont été faites. En fait, ce sont des études qui ont même été faites par les fabricants de tabac, en fait, qui disent clairement que le tabagisme passif est nocif pour la santé. Et même sur le site de Philip Morris, ils incitent les pays, les villes et les gouvernements à faire des restrictions sur le tabagisme passif. Alors, le tabagisme passif, c'est quoi exactement? C'est ceux qui inhalent la fumée que le fumeur recrache. Voilà, donc c'est des gens qui participent sont autour à la fumée des fumeurs, de la cigarette. En fait. Ouais, voilà, en gros c'est ça. Ouais. Alors t'as été viré de Brown & Williamson, donc à l'époque un des 7 grands fabricants de cigarettes américains. C'était une vengeance pour toi de raconter la vérité ou pas? No, it was not revenge. If one understands the responsibility one has with knowledge, and to be quiet with that knowledge, that can save lives. You are guilty of the same crime as those who are doing the harm. That's called bystanderism. En fait, non, c'est pas du tout une revanche. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il avait beaucoup de mal à se dire que si tu savais la vérité sur quelque chose qui fait du mal et qui tue les gens, à ce moment-là, tu deviens tout simplement complice. En fait, il pouvait pas assumer moralement, voilà, cette complicité, en fait. Et donc, c'est en ça que l'interview dans l'émission 60 minutes lui a permis, voilà, de révéler la vérité sur des gens qui témoignent carrément devant des instances, des grandes instances, en disant que le tabac n'est pas nocif, alors qu'ils le savent très bien que c'est nocif, addictif, et qu'ils essayent carrément même de séduire entre guillemets des enfants, quoi, carrément. Et comme tu parles de l'émission 60 minutes, c'était sur CBS aux États-Unis. Est-ce que sans son producteur, est-ce qu'il aurait raconté quand même tout ça ou pas? Telling all this stuff or not? Well, I think the producer who I got to know after 2 years Because in 1994, I helped. En fait, il a connu l'émission et le producteur en 2004, en fait, oui. Ou en 94, j'ai pas fait gaffe, excusez-moi. En fait, c'était 94, voilà. C'était lors d'une émission, en fait, qui concernait les cigarettes anti-incendie, en fait. D'accord. On lui avait demandé de commenter les documents relatifs à ces clopes anti-incendie. Et en fait, l'émission, donc c'est comme ça qu'il a connu l'émission, et il s'est rendu compte que l'émission avait touché entre 30 et 40 millions de personnes un dimanche, et il trouvait que voilà, c'était un bon moyen de faire sortir la vérité sur l'illégalité, l'immoralité et l'absence d'éthique des industries de tabac. Et alors, il y a un truc que je comprends pas avec la cigarette. Alors, t'as révélé donc à la télé que c'était nocif pour la santé, les fabricants ont payé et les cigarettes sont toujours en vente libre. Il y a une raison à ça, comment ça se passe ? That's a large problem. I mean, if cigarettes were invented or tobacco products were invented today, they would be illegal because they're their only product. When used as intended, kills the user as well as the innocent bystander. What is the industry has been successful? You know, nicotine was named after a French scientist, Nic Carouet. En fait, voilà, c'est un très très grand problème. En fait, il pense que si les produits du tabac étaient inventés aujourd'hui, ce serait complètement illégal pour la simple et bonne raison que c'est le seul produit qui, consommé comme il est censé l'être, en fait, comme c'est prévu, tue les gens. C'est le seul, en fait. Donc voilà, il nous rappelle que ça a été le mot nicotine vient d'un Français, en fait, dans les années 1600. Et en fait, il nous explique que le seul moyen d'éradiquer le tabagisme passe par la régulation, en fait, l'éducation, notamment des enfants, tout ce qui est possible pour les empêcher d'être accro à la clope. Et ça passe par des augmentations monétaires, des augmentations du prix des clopes. Ce qui est fait, oui. C'est ce qu'il dit. Très minime, mais c'est fait. Dans beaucoup de pays d'Europe, comme le prévoit notamment l'OMS, de faire carrément des pays entièrement libéré de la cigarette, c'est interdit de fumer où que ce soit, en fait. Et ce qui se passe aussi, c'est que contrairement à la nourriture, il n'est pas écrit sur les paquets de clopes, en fait, ce qu'il y a vraiment dedans et tout ce qui rend accro. Et il dit voilà, les gens ne peuvent pas être considérés comme responsables de ce qu'ils font en fumant des clopes à partir du moment où ils ne savent pas la vérité. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans, justement, Jeffrey? Can you tell us exactly what's inside a cigarette? Enfin, un best-of, hein. Yes, I can. Okay, there are really two types of cigarettes. Il y a deux genres de cigarettes. One is the typical British cigarette that is made. Il y a une première avec du tabac vierge. Mm-hmm. Okay. The second type of cigarette, which is the most popular in the world, is what is called US blended. Alors, il y a les US blended qui sont les plus répandus sur terre. Okay. It contains less than 50%. Il y a que 50% de vrai tabac dedans. Et le reste, c'est quoi? And what's the rest? The rest of it are the dust that's scraped up off the floor of the factory and made into what's called reconstituted tobacco. Et du tabac reconstitué. Okay. Plus stems, expanded tobacco, and about 600 plus chemical additives to make the cigarette or the tobacco product. En fait, il y a plus de 600 produits chimiques qui sont en fait là juste pour rendre le goût meilleur et pour insister au niveau du cerveau sur le besoin de nicotine. So, the cigarette is an elegant. En fait, la clope est un système élégant et sophistiqué pour diffuser de la drogue, en fait. Et alors, quelle est la solution pour arrêter de fumer? Il faut faire du on-off ou il faut le faire petit à petit? C'est quoi le meilleur conseil pour celui qui voudra arrêter de fumer? Never start. Jamais commencer. Non, bien sûr. I'm sorry. Okay, if you are a smoker. Si tu es fumeur, tu dois déjà refuser d'être dépendant de quelque chose, quoi. Faire abstraction de ta propre autonomie, en fait. For when you are addicted to a substance, it could be alcohol. It could be cocaine. En fait, il nous explique que quand tu prends de l'alcool ou n'importe quelle autre drogue, de l'héroïne, de la morphine, ça a une action, ça joue sur ton contrôle de tes actions, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, finalement, dans un but de recherche de cette substance. Et c'est donc justement sur les actions qu'il faut agir. Donc c'est à ce moment-là. Après, il nous rappelle que la plupart des fumeurs sur Terre, à savoir 90% dans les pays développés, en tout cas, sont des adolescents dont les plus jeunes ont de 7 à 8 ans. Et à cet âge-là, tu as une addiction qui est vraiment beaucoup plus forte. Donc tu fumes de plus en plus et tu te crées de plus en plus de récepteurs donc finalement à cette nicotine. Et il existe un traitement contre ça. Donc c'est du remplacement de nicotine, c'est-à-dire que tu continues à consommer de la nicotine mais sans tous les produits dégueulasses qui y a dedans, en fait. D'accord, ok. Et alors ça se trouve quoi, en pharmacie j'imagine, ou il faut voir un médecin? That's available in pharmacy or do you have to see a doctor to get prescribed this nicotine replacement? I don't know what is in France, mais c'est pas en France. Other countries, but there are what we call nicotine. Donc il sait pas comment ça se passe en France, mais voilà, ça existe et il faut effectivement consulter son médecin. Ouais, voilà, t'as les patchs aussi qui ont l'air de pas mal fonctionner. Hein, Est-ce que ça marche bien justement les patchs, il connaît ou pas? The nicotine patches? Yes. Does it work? Yeah, it works with some people. It works. It does not work with other people. There are different types of. En fait, voilà, donc il y a plusieurs types de remplacement de nicotine. Donc il y a les patchs, il y a les chewing-gums, il y a les sprays, il y a les aérosols. Alors aux États-Unis, les sprays et les aérosols, il faut consulter un médecin. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que pour que ça marche, en général, ces traitements sont accompagnés d'antidépresseurs, comme notamment le Zyban, en fait, puisqu'il faut contrôler à la fois ton cerveau, ton corps, et aussi ton contrôle sur tes actions, et aussi un régime alimentaire. Et il dit la combinaison de tous ces éléments-là, ça mène obligatoirement vers un arrêt de la clope. Oui, bah forcément, c'est clair. D'accord, ok. Une question toute bête. J'ai lu dans un livre que si tu fumais moins de 5 cigarettes par jour, ton corps pouvait l'éliminer. Combien de temps? 5 clopes par jour. Non, c'est-à-dire que si tu fumes que 5 cigarettes, c'est sur ta journée, t'as éliminé tout ce que t'avais consommé comme produit. Apparently, he read somewhere that if one smokes 5 cigarettes a day, at the end of the day, his body has eliminated all the toxic products. No. If you breathe in carbon monoxide, it stays in your body. If you breathe in asbestos, it stays in your body. En fait, il explique que quand tu inspires du monoxyde de carbone, ça reste dans ton corps. Il y a dans la clope, il y a plus de 60 substances cancérigènes qui restent dans ton corps. Donc il n'y a pas de niveau minimal de consommation de clope qui fait que ton corps s'en sort. En fait, que tu fumes 5 clopes ou 10 clopes par jour, quoi qu'il arrive, tu causes des dommages sur tes poumons, sur ton cœur, qui entraîne obligatoirement des maladies dans le sens où ton corps a effectivement une capacité à se réparer lui-même, mais c'est pas infini. Donc au bout d'un moment, ça mène vers une maladie. D'accord, ok, très bien. Bon, merci en tout cas Jeffrey, bon courage dans la suite de ton combat contre la cigarette. Et si tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Hein, if you ever need help, he's ready to help you. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci Jeffrey, à bientôt. Thanks a lot. Thank you. Mickaël, le podcast. Pour jouer avec nous ce soir, il y a Lorenzo qui est avec nous maintenant du 34. Salut Lorenzo. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et vous? Salut. Bah écoute, ça va aussi, hein, tranquille, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, alors je suis pilote de chasse. Au bahut évidemment, Lorenzo. Ouais. Ah bah ça se passe bien, bientôt la fin. Ouais, ça va. Ouais, oh, ça a l'air de puer du cul, ça, non? Comment ça va se passer l'année prochaine? Bah, je sais pas. Le drame? Non, pas... La doublette? Non. Non? Bon, ça va alors. T'as de la chance, parce que sinon t'auras rien gagné du tout, quoi qu'il arrive. Bon, allez, on va jouer pour... Qu'est-ce qu'on joue pour quoi? Oh là là, Micha, c'est pas possible. Ah bah oui, pas mais bon. Des cadeaux. Enfin bon, alors quoi? Là, c'est... Nintendo Wii. Console Nintendo Wii, écran plat. Bon, on va voir. On va voir déjà s'il est bon. On va voir s'il est bon. Alors, est-ce que c'est du quoi? C'est du gold, du silver, du platinum là? C'est du en carton là. C'est du en carton? Ouais. Bah très bien, avec un peu de bol, il sera bon pour une fois. Voilà. Pour une fois que t'es pas en train de te survendre. Bon, Lorenzo, on va faire un petit... JAV vu ton âge, j'imagine, hein? Ouais. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas inventer à ton père, ta mère, je sais pas qui? Mon père, ben en fait je vais lui faire croire que j'ai sur Facebook j'ai voulu créer un apéro géant à Montpellier. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, ça ouais. Et que la police, comme j'étais créateur du groupe, ils sont remontés jusqu'à moi et ils sont venus me chercher à la sortie du collège. Eh oui. C'est quoi ton collège? L'Autre-Intanel. Oula, c'est quoi? L'Autre-Intanel à Gignac. L'Autre-Intanel. L'Autre-Intanel. Oui. Ah oui, non, c'est ça. L'Autre-Intanel. À Gignac, d'accord, ok. Très bien, ok. Voilà, c'est très bien, t'es où là maintenant? Là je suis chez moi dans ma chambre. Ouais mais ils sont courants tes vieux là, non? Ben non, j'habite avec ma mère. Ah, et donc on va appeler ton père pour. D'accord, ok, très bien. Malin. Eh oui, oui, oui, oui, oui, on sait jamais. L'autre Trentanello Gignac. Bah écoute, parfait, on va y aller. Alors, hein, on l'appelle, et puis au plus tu le rends dingue, au plus t'as des chances de repartir avec notamment la Nintendo Wii. Ok? D'accord. Bon, allez, pour ça, il faut qu'il soit bon. Montpellier, police de Montpellier, évidemment. Ah, mais non! Ah, si, si, on a intercepté l'apéro Facebook à Montpellier. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Attends, je teste ma sonnette. Ah, mais non, on marche plus donc. Non, ça, ça va pas marcher. Ah bon? Non. Ah, merde. Bon, bah tant pis, j'aurais bien voulu, hein, c'est pas grave. Bon, bah on y va, on l'appelle, Lorenzo, d'accord? D'accord. Allez, bonne chance, Lorenzo. Puis il y aura le mec du jour aussi, bah juste après. Hein, juste après le GAV. Déjà ça sonne, sera-t-il bon ou pas? Je chauffe mes mains. Oui, allô? Oui, papa, c'est moi. Ouais, ouais. Ah. Ça va? En forme? Non, pas trop. Enfin, c'est pas bon, nous aussi, on déménage. Ah ouais. Donc c'est le bordel, quoi. Hein? Ça se passe bien? Ouais, bon, toujours le bordel avec le propriétaire là, qui... La maison n'est pas finie, donc on aménage le truc, il manque de bricoles encore, on n'a pas de télé ni rien. Voilà quoi. Je t'appelle pour dire une mauvaise nouvelle. Et pourquoi une mauvaise nouvelle? Parce qu'en fait, sur Facebook, j'ai voulu créer un apéro géant à Montpellier. Ouais. Et en fait... Toi, un apéro géant. Ouais. On voulait faire avec des potes et tout, et donc j'en ai créé un à Montpellier. Ouais. Et en fait, la police, ils sont remontés jusqu'à moi et ils sont venus me chercher à la sortie du collège et là, je suis au commissariat. Et il faudrait que tu viennes me chercher et payer une caution. Et pourquoi tu m'appelles moi? Ben, parce que maman, elle dort, je voulais pas... Enfin, voilà, quoi. Bon, attends, et moi, putain, moi je suis en déménagement et tout. Non, attends, il n'y a pas papy et tout là? Ben non, ils sont pas là. Ben attends, et Julien? Ben Julien... Bon, jeune homme, alors, est-ce que votre père peut venir vous chercher ou pas? Non, attends, et Lorenzo, comment putain, ça, et pas, déjà, hein. Attends. Pourquoi vous dites qu'il veut pas? Bah, parce que il dit... Et parce que je suis en plein déménagement et c'est tout, je vais pas faire me taper une heure, deux heures de route, là, pour venir le chercher, quoi. Il a de la famille à côté, là, et il a qu'à s'en occuper, là. Non, mais dites à votre père, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il raconte sa vie, là, j'ai besoin de quelqu'un qui va le chercher. Moi, ça va pas, quoi. Bon, écoutez, passez-le-moi, s'il vous plaît. Je te le passe. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc je vous appelle par rapport à votre fils, donc vous pouvez passer les chercher ce soir alors? Non. Comment ça non? Non, il reste là, hein, attendez. Comment ça il reste là? Il a 14 ans, c'est pas une garderie ici la police? Ben je m'en fiche, hein, ça va le matin un peu, il a qu'à pas faire le con là, et ça y est Facebook, il croit qu'on peut organiser des apéros et tout quoi. Bon écoutez, alors au niveau, comment ça se passe? Bon, et nous on veut bien téléphoner à sa maman hein, pour qu'elle vienne le chercher, mais attendez. C'est votre travail aussi quoi. Bien sûr, mais alors il a dit qu'il fallait demander à son père pour payer l'amende parce que sa mère pourrait pas. Bon alors est-ce que vous pouvez payer et à ce moment là sa mère vient le chercher, comment est-ce qu'on s'arrange alors? Mais quelle amende là? Comment ça quelle amende? Bah l'amende par rapport... Bah par rapport à l'organisation de l'apéro géant, c'est interdit en France, monsieur. Allô, oui, vous êtes déjà en ligne avec nous. Allô. Ah bah merde alors. Ah dis donc, ton père, c'est pas un facile, hein. Ouais. Rien à foutre, hein. Donc t'as mal travaillé, hein. T'as essayé de nous la faire à l'envers. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, j'ai la moyenne pour passer, mais... Ah, ouais, ça me plaît, j'avoue. Aux parents, la moyenne. Bon, on le rappelle. Enfin, on va essayer de le rappeler, hein, parce que c'est pas gagné, ça, encore. Bon, on y retourne. Oui, allô. Allô, monsieur, vous avez raccroché à quelqu'un de la police. Bah oui, et alors? Bah écoutez, ça ne se fait pas, monsieur, hein. Bah je m'en fous, quoi, vous faites bien des choses qui se font pas, vous, alors. Comment ça? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous êtes pas parfait non plus, hein. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur? Ça captait mal. Comment? Ça captait mal, oui. Bon, très bien, je veux bien croire. Il est où, là? Il est au commissariat. Non, mais je peux lui parler quand même, non? Oui, je peux, vous pouvez, je vous le passe. Jeune homme, votre père au téléphone. Et dépêchez-vous, c'est le contribuable qui paye. Oui, ben c'est moi, non alors. Oui. Non, mais qu'est-ce que tu fous, bordel, là? Qu'est-ce qui t'a appris d'organiser un truc comme ça, bordel, là? Je sais pas, ça suffit pas, quoi. Déménagement, le problème, là, le boulot, je travaille de temps en temps au chômage et tout, il faut qu'en plus tu crées des motels. Et en plus, tu veux venir là... pendant les vacances là, bah attends, tu vas pas venir, hein, tu te démerdes, hein, tu vas payer, tu feras un stage là de la restauration là et tu payeras toi, hein, tu diras à ta mère qu'elle t'avance les sous et voilà quoi. Hein. C'est pour rire, il y en a plein qui le font, on a voulu le faire nous aussi. Oui, il y en a plein qui le font, il y en a plein qui le font, il y en a qui vont se jeter, tu vas te jeter aussi quoi. Oh là là, papa, 14 là. Ans, rien dans la tête quoi. Oh, tout de suite, on fait un fromage. Ouais, ouais, bon, on va pas en faire un fromage, j'en ai rien à foutre, mais on va pas en faire un fromage. Hein. On va pas faire un fromage. Il faut payer, quoi, tout le temps payer, quoi. Ah, toujours payer. Là, pour vous, là, et il faut payer. En plus, je voulais savoir qu'ils allaient remonter jusqu'à moi, moi. Bah ouais, en plus, on a eu Nicolas Sarkozy, là, apparemment, les impôts augmentent l'année prochaine. Mais je m'en fous de Sarkozy, quoi, putain, mais vous pouvez pas le relâcher, là, 14 ans, quoi. De toute façon, il doit pas rester en prison, 14 ans, quoi. Ah, bah non, bien sûr, on va contre. Contre une amende. Tu viens de payer là. Non, j'ai pas de sous moi. Je suis au chômage, moi j'ai pas de sous quoi. Et puis c'est des merdes quoi. Il faut payer l'internet pour son jeu, il faut payer les vacances, il faut payer ça. Monsieur. Oh bah écoutez, merde alors. Vous l'avez dit vous-même, l'argent ça se trouve. Bon. Non. Bon papa, comment il s'appelle papa? Régis. Non. Ah Régis. Là je payerai pas, il restera, c'est le seul matras un peu. Bon Régis. Allô. Oui. Bah c'est déjà, on se connaît pas, on se dit pas Régis, hein. Régis. Et on se connaît pas non plus, hein. Eh, Régis. Arrêter, quoi. Eh, c'est GG. Fiche, ouais, puis c'est tout. Régis. Oui. C'est Mickaël, t'es à la radio sur Énergie, c'est le GAV. N'importe quoi, c'est même pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non, enfin, qu'est-ce qui est pas vrai? Si, le commissariat, c'est faux, mais la radio, c'est vrai. C'était pourri. À la radio. C'était une blague. Bon. Regardez. Ouais. 23h, enfin à peu près, quoi, grosso merdo. 23h, ouais, vachement, ouais. Voilà. Ouais. Bon, bref. Bon, Régis, ouais. C'était Lorenzo qui avait fait une petite blague, c'était le GAV. Ouais. Bon, alors, ce qu'on va faire, Micha va me dire que ça va poser un problème, tout le bordel. L'écran est là. Putain, attendez, ça redescend, hein. Ah, mais ça va redescendre, oui, ça va redescendre. Bon, alors, Régis, comme ton ménage, on va te filer un écran plat 32 pouces. Ah et oui puis Lorenzo, toi comme t'as l'air chiant au niveau des jeux, on va te filer la console uniquement si les notes à la fin de l'année sont bonnes. Ah oui, parce que bon, les notes c'est pas terrible. Hein. Voilà, justement. Ouais. Donc on va envoyer le tout, la console et l'écran à ton père. Et si les notes sont bonnes, ton père te donnera la console Nintendo Wii. Bon. Ça me paraît un bon deal. Bon. Ouais. De quoi Lorenzo? Bah démerde-toi pour que ça soit mieux. Voilà. Oh, je veux pas le savoir. T'as qu'à donner un billet au prof, démerde-toi pour que ce soit meilleur. Et c'est quoi alors? C'est une console et quoi? Alors l'écran plat pour toi. Écran plat, 32 pouces. Voilà, et puis pour le petit Nintendo Wii. Il a intérêt que ça augmente les notes parce que là, que dalle, hein. Voilà, reste plus que quelques jours. Hein. Démerde-toi, ouais. Reste plus quelques jours. Bon, Lorenzo et Régis, passez une bonne soirée tous les deux. Bah, bonne nuit. Merci beaucoup, hein. Allez, à bientôt, hein. Excusez-moi. Ouais, y'a pas de mal, Régis. Ouais. Ciao à toi, ouais. Mickaël, le podcast. On va se faire péter le Mac du jour. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour. Un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu, et une fois de plus, on parle du voile, direction l'Arabie Saoudite, où les femmes ont fait une grande avancée. Elles ont enfin le droit de se brosser les dents. Non, pas pousser non plus, là, c'est lié au travail en fait. Beaucoup de femmes voulaient pouvoir enlever leur voile au bureau, même en présence d'hommes, du coup, bah, une loi a été faite en ce sens. Ah bah, c'est une belle preuve d'ouverture. Ah oui, oh là là, cette loi autorise une femme à ne pas travailler voilée uniquement si elle a donné le sein 5 fois aux hommes autour d'elle. Oh putain, comme un nourrisson en fait. C'est non, alors c'est bien précisé en fait. Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent rassurer tout le monde. Alors, en fait, il faut pas téter comme un bébé, il suffit juste que la femme presse 5 fois son sein en fait, hein, suffisamment fort évidemment pour que l'homme puisse boire son lait. Putain, voilà. Ça c'est bon, à la fin, bam, pack shot, les produits laitiers, des sensations fortes et on a la pub de l'année. Ouais. Voilà, c'est peut-être l'avenir dans la com, Jack. Merci. Hein. Bon alors, continuons en France, à Toulon plus précisément, où avait lieu un festival artistique, le tout premier festival international de street painting d'ailleurs. Le maire était ravi de son initiative novatrice. Hein. Ah bah s'il aime l'art urbain, faut qu'il se présente aux élections dans le 9-3 lui. Ah ouais, mais là c'est pas des tags, hein. Alors ce sont des peintures au sol, des véritables œuvres d'art en fait qui devaient servir à l'image jeune de la ville. Voilà. Pourquoi tu dis devait? Bah parce que en fait pendant la nuit, juste avant l'ouverture du festival, les employés de la voirie ont effacé tout ce qu'il y avait, en fait ils ont pris ça pour du vandalisme. Dommage. Et ouais, ça bah, aurait pu être un con du jour. Hein. Ouais, ça aurait pu, ouais. Et du coup bah le maire est furieux contre ses employés. Les pauvres, la seule fois de leur vie où ils faisaient leur travail, ils se font défoncer. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on va passer au con du jour maintenant avec la rousse. Ouais, mes cons du jour sont des militaires. Bon, à la rigueur, c'est pas trop les cons, ce sont plutôt leur chef. Je vous explique, on est en Inde. Hein. Ouais, ah, d'accord, ok. Ouais. Préciser. Un pays qui, malheureusement, rencontre aussi quelques soucis avec le terrorisme et la vie en général. Surtout la vie. Après une lutte armée bien lourde, le gouvernement sait plus trop comment faire pour éradiquer le fléau. Mais heureusement, les scientifiques sont là et ils ont trouvé l'arme ultime pour venir à bout des terroristes en les faisant suffoquer. Oui, ça fait peur. C'est normal, hein, j'ai envie de te dire. À une arme tellement redoutable qu'en fait, ils sont même dans le livre Guinness des records. Ils vont fabriquer des bombes lacrymogènes avec le piment le plus puissant du monde. 1 million d'unités sur l'échelle de l'intensité, alors que le Tabasco n'en contient que 5000. Ah oui, ça va. C'est pas mal aussi, hein. Oui, je pense qu'ils vont brûler. Voilà, c'est pour ça. Mes comptes du jour qui reviendront sûrement le jour où ils essaieront d'arrêter un avion piraté en lançant des courgettes dessus. Bon, et merci Roux pour ces comptes du jour. On va passer au sport maintenant, football et Coupe du Monde. C'est le soulagement pour les Argentins. Les partenaires de Lionel Messi n'auront pas le droit au champagne ni au Viagra pendant les jours de repos. Et c'est ça le soulagement ? Non, enfin, ce qui va les réconforter, c'est que les relations sexuelles seront complètement autorisées, quoi. Ah, on me signale que Franck Ribéry vient de demander sa naturalisation argentine. Ouais. Et on reste en Amérique du Sud pour la Coupe du Monde de foot Brésil. Cette fois, une équipe qui vise un 6e titre de champion du monde et qui prend tout ça très au sérieux. Du coup, la Banque Centrale du Brésil a décrété que toutes les agences seront fermées les jours de match de l'équipe nationale. C'est ça qui est beau avec eux, c'est que tu sais, ils vivent le truc à fond, quoi. Ouais, c'est sûr. En France, ce sont les banques du sperme qui seront fermées. Bah pourquoi ? Bah les donneurs ne peuvent pas être à la fois sur le terrain et dans les cabinets. Oh. Bon allez sérieux, on imagine pas fermer les banques en France pendant un match des Bleus quand même. Bah non mais c'est logique. Je vois pas où elle est la logique. Bah, vu les primes de but que les joueurs touchent, les banquiers vont pas fermer le jour et ils feront leur meilleur chiffre d'affaires. C'est une manière de voir les choses. Bon, sur ce mag du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on joue avec le traditionnel quiz des citations people. À votre avis, qui a dit « Je refuse d'être changé d'horaire à la rentrée car ma présence est utile pour la démocratie » Bruno Guillon, non. Stéphane Guillon. Stéphane, ouais, ils ne sont pas frères hein, pour autant, mais Stéphane Guillon, effectivement. Qui a dit « Être ministre de l'éducation nationale, pourquoi pas ?» Ah, j'allais dire Luc Châtel. Piège. Non. C'est un mec qui... Vanessa de Secret Story. Non. Bernard Tapie. Non. Être ministre de... C'est un homme politique ? Non. Un ancien prof ? Non. Un mec de la télé-réalité ? Ouais. Ouais. Ouais. Un non, animateur non. Télé ? Ouais. Bof. Non. Un mec qui est... Est-ce que cette personne a un métier ? C'est un people, quoi. Omar Afouche ? Non. Vincent McDo ? Non. Magloire ? Non. Il est people, ouais, il est people, c'est ça. Ouais. Non mais enfin, il fait rien, il a pas de métier, il est... Oui, bah, qu'est-ce que je te dis ? Non. Comment est-ce qu'on le connaît ? Bah, on le connaît bien, pourtant. Polo du Polo Show. Non. C'est un artiste ? Ouais. Non. Non. Vas-y, donne un indice, ouais, là. Enfin, il sait quoi ? Il remet les gens dans le droit chemin. Ah, Pascal le grand frère. Pascal le grand frère, c'était difficile, c'est pas la télé-réalité, c'est pas l'animateur, c'est difficile quand même. Ouais. Il a déclaré qu'il était payé 3000 euros par émission. Oui, le speaker de la télé. Il doit se faire bien enculer. Il avait été un petit peu augmenté depuis que ça marchait pas trop mal. Ah bah quand même. Franchement il se fait niquer. Quoi. Il a été à 3100. Ouais grave. Voilà, par émission, sachant qu'il n'y en a pas non plus 10 000 par an quoi. Ouais, il les tourne par 5 ou par 6, il a dit. Ah ouais, enfin. Ouais mais ça fait combien de temps ça ? C'est une toutes les deux semaines je crois. Hein. C'est une toutes les deux. Oh ça va. Ouais, donc 6000 boules. Ouais, ça va. C'est bien. Enfin, par rapport aux autres à la télé, non, c'est clair qu'ils gagnent que dalle. Mais par rapport à Monsieur Tout le Monde, ça va. Surtout sur cette chaîne-là. Qui plus est sur cette chaîne-là. Et surtout que le mec il bosse parce que tu vois, il doit se les taper, les connards là. Mais c'est lui qui le truc en plus. Hein c'est lui, tu vois, le centre du truc. Quoi. Ah ouais, en plus. Ouais, donc c'est bien fait baiser. Hein. Bon, qui a dit je ne suis pas équilibré, je n'ai aucune philosophie, je suis une mauvaise mère. Madonna. Non. Français. Valérie Démido. Français, ouais. Français ou... Non, français, ouais. Ah, oui, oui. Ouais, mais j'ai français... une question intelligente, non, c'est une non, femme. Non, mixte. Loana. Non. Ah, C'est une bâtarde, enfin, c'est-à-dire qu'elle a deux nationalités, quoi. Lio. Non. Bon Carla ah, oui. Bruni. Ah, oui. Non. Ah, merde. C'est son autre nationalité, c'est quoi, italienne ? Non, buveuse de thé. Jane Birkin. Non. Ah, non, sa fille. Bah, non. Ah, possible, c'est possible. Le Loudoyer. Charlotte Gainsbourg. Non, Charlotte Gainsbourg. Ah, ouais. Bonne réponse, Sandro, qui je n'ai pas entendu depuis 10 minutes et tout d'un coup, boum. Je souhaitais laisser mes coéquipiers participer. Ouais, c'est gentil. C'était dur à dire, coéquipiers. Ah bah oui. Tout ah ouais, ouais, bah oui, ça c'est clair. Il y a des mots comme ça. Ouais, il y a des mots comme ça. Tu te rends pas compte. Aussi, et puis hop, j'aurais c'est bien trop dur. L'éducation nationale. Ah oui, oui, pour y apprendre plein de choses. Non ouais, ouais. L'orthographe. Oh là là, c'est tombé deux minutes après, hein. Je oui, si vous avez c'est remarqué. Tombé, c'est ça l'important. Ouais, le principal, c'est qu'effectivement, ce soit tombé, c'est clair. Dites-nous hein, si vous aussi, c'est tombé après. C'est pour voir si c'est Sandro qui est en retard ou si c'est peut-être nous qui sommes en avance sur le coup, évidemment. On ne sait jamais. Bon, fin du Mac du jour, retour du Mac du jour, un autre jour. Michael, le podcast. On va pouvoir passer maintenant, après ce bon son de Deftones, à Jean-Claude et le fucking Blue Boy. Ah, du très très bon son. Eh oui, oh là là, du très très lourd, avec Nicolas et Alexandre qui sont là. Bonsoir Nico, bonsoir Alex. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Bien, ça va. Bon, ben soyez les bienvenus. Alors Nicolas, 25 ans, t'appelles du 30, Beaucaire. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Tant mieux, tu fais quoi dans la vie? Dans la cuisine. Dans la cuisine, ah, d'accord. T'es cuisinier ? Eh oui. Cuisinier spécialisé en quoi ? Ou plutôt dans la restauration rapide en ce moment. Donc, Quick McDo ? Non, pas un style, Buffalo plutôt. Ah, Buffalo, d'accord, ok. Ouais, c'est déjà plus cuisine. C'est moyennement rapide. Attends, mais t'es près de Paris ou pas ? Non, il est dans le 30, tout près. Non, dans le gare. Dans le 30, oui. Ouais. Ah, oui, c'est loin, ça roule. Ce Sandro est fan de la salade de qu'il te donne là, au début. La salade d'accueil. La salade d'accueil. Oui, parce que je suis tombé sur un mec qui m'emmenait là-bas à chaque fois que j'allais au resto, donc forcément. D'accord. Non, mais c'est pas mal, c'est mignon comme cadre. Ouais, ah, ouais, j'aime bien, bon. Non, mais c'est pas dégueu, hein, ça vous, va. Vous faut connaissez pas y la aller technique tout le temps. La technique, vous savez ce que c'est ? C'est quoi ? Vous y allez, vous mangez la salade. Et vous partez. Et le rouille quand il a fait sa petite escroquerie, il a économisé 3 francs 6 sous. Il est content. T'as pas intérêt à avoir très fort quand même. Non, mais bon, hop, voilà, t'as un petit encas. Ouais, petit creux. Cas, ouais, t'as un petit creux, tu passes à côté d'un buffalo, tu rentres, tu manges, tu fais ça, tu te casses. Bon, Alexandre, qui est là aussi, 22 ans du 74. Salut à toi, Alexandre, comment ça va ? Bah écoute, ça va, tu vois, là je suis au boulot. Ah bah tu fais quoi là justement ? Bah, je suis garde armée, moi, en sécu privé, et puis je suis mentor de ski. Garde armée et moniteur de ski. Bah oui, forcément, 74, c'est à côté de la Suisse. Exact. Évidemment, évidemment. D'accord, ok. Et donc, garde armée, tu gardes quoi ? On garde beaucoup de choses. Genre ? On fait beaucoup de choses. Là, par exemple, là, je fais des circuits, hein, puis je tourne en fait en rond. Non, mais, ouais, mais tu sais ce que tu gardes ou tu sais pas ? Bah, je garde plein de privés, quoi, plein d'entreprises, plein de privés, quoi, sur la ville, quoi. D'accord, ok. Mais quand tu dis que t'es armé, c'est-à-dire un Kalachnikov armé. Armé, on a un pistolet automatique. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Non, parce qu'après t'as des cartes. Qui tire sans qu'on lui demande. C'est pas pratique. Ça doit être ça. Bon bah très bien. Nicolas et Alexandre, on va aller au fucking Blue Boy. Vous connaissez un peu Jean-Claude ou pas du tout? Non, oui, un petit peu. Ah, alors très bien. Bon bah Nicolas, vu son rire, a l'air d'être content d'aller chez Jean-Claude. Oh, je connais. Ah bah si tu connais, tant mieux. On va y aller directement, Nicolas et Alexandre, dans sa boîte, hein, le fucking Blue Boy. On va sonner comme d'habitude et puis on va voir. Bonjour. Ah bah alors vous avez remis cette sonnette là maintenant. Bah oui, j'ai changé d'avis, alors bon, je fais comme je veux. Bonsoir mes loulous. Bon alors Nicolas et Alexandre, je vous présente Jean-Claude. Jean-Claude, Nicolas, Alexandre, tous les deux majors bien sûr. Ah bah évidemment. On sait jamais avec vous hein. Ah bah oui. Mieux vaut être certain. Comment elle va la cochonne là ? Mais elle va bien mon chéri, je me suis fait ramener toute la semaine. J'ai encore des petits bouts de peau au fond du cul. Quelle horreur. Mais dis-moi en parlant de ça, si on racle, il y a combien de spermes différents ? Oh là, je préfère pas savoir. La dernière fois que j'ai fait un prélèvement, on n'a pas su retrouver le père. Oh. Bon, vous avez prévu des beach parties, des fucking Blue Boys beach parties ? Bah oui évidemment. Beach putain, pas beach plage. Ah bah non ça se fait pas les beach, c'est la même chose que c'est la même chose que toute l'année, ça a aucun intérêt. Ah bon alors donc beach c'est vraiment la plage. Ah oui c'est quoi. Vraiment la plage, oui je vais chercher la pute là. C'est la fucking Blue Beach. Oui voilà. Je vais chercher le thon, le macro, enfin je vais tout prendre à la plage. Ah bon d'accord, mais alors quelle plage ? Ah bah je fais le tour, hein, je commence. Ah vous faites le fucking Blue Beach Friends Tour. Voilà, c'est ça, on fait le tour. On va un peu en Espagne aussi, un peu en Italie. Donc c'est pas France alors au bout du mot. Oh, bah, enfin, la non mais si, mais on passe un petit peu la frontière, mais ça reste la France. Hein. En Belgique, non ? Eh ben non, hein, non quand même. Hein. On a une déontologie. On a du goût. On fait pas les enfants. C'est dégueulasse, Jean-Claude. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on va pas en Belgique. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, vous avez pas le nord de la France non plus alors. Comme c'est pour ça, on commence à Dunkerque, mais on reste pas longtemps. Ah oui, on va manger un quart qui est la Belgique, c'est à côté. Hein. Bah, oui. Tu vas dans les Ardennes un peu? Ah bah non, il n'y a pas la mer dans les Ardennes, idiot. C'est vrai, c'est vrai. Il y a la merde, mais pas la mer. C'est ceci est une vanne, bien entendu. Bon, on va y aller, Nicolas et Alexandre, donc bah, je vous laisse dans les mains expertes de Jean-Claude. Bon, vous êtes prêts, mes deux cochons? Ah oui, prêts. Bon, parfait, vous avez pris du lubrifiant? Ouais. Ah, c'est surtout pour celui qui se fera enculer à la fin du jeu. Bon, vous êtes prête, on y va. Tu viens de leur demander, allez. Oui, je sais, mais je veux être sûr. Il va pas répéter 15 fois qu'il est prête. Je vous rappelle les règles ou pas? Bah oui, il vaut mieux, on sait jamais. Je vais au rythme que je veux, vous êtes chez moi, merde. Bon alors. Donc, les règles, c'est facile, je vais poser une question, vous répondez en criant bien fort votre nom. D'abord votre nom et puis la réponse. Disons que c'est dur les règles. Hein. Bah oui, mais je préfère les répéter, on sait jamais. Hein. Parfois on a des grosses bites qui jouent à ce jeu. Bon, on y va. Combien y a-t-il de prostituées sur les trottoirs de Paris en moyenne? A, plus ou moins 2000, B, plus ou moins 3000, C, plus ou moins 4000 ou D, plus ou moins 5000? Alex, je t'écoute. Moi, je dirais B. La B, 3000, mais non. Nicolas, je t'écoute. Moi, je dirais la C. La C, bravo. Et oui, il y a 4000 putes à Paris. Oh la vache. Mais que des filles? Ah non, tout compris. Non, c'est combien y a-t-il de prostituées sur les trottoirs de Paris? Ah oui, d'accord. Alors, deuxième question. À Paris, quel est le prix moyen d'une pipe avec préservatif dans une allée mal éclairée? A, 10 euros. B, 20 euros. C, 30 euros. Ou D, 40 euros? Allez, vite. Oui, enfin bon, on n'est pas à 5 minutes non plus là. Nicolas, je t'écoute. J'irai la B. La B, bravo. Tu es un expert. Ah oui, quel expert. Tu serais prêt à mettre combien, toi, Roux, pour une pute? Oh bah, non, je sais pas. Prêt à mettre rien, là. Tiens. Rien? Non, d'accord. Le principe de payer pour niquer, ça me fait chier. Ouais, ouais, bon, d'accord. Okay. Bah déjà que de payer tout court, ça le fait chier. Voilà. C'est ça, en fait. Allez, dernière question, hein, pour l'honneur. Ah, déjà Alexandre. Ah bah oui. Hein. Ah bah très bien. Alors, en quelle année s'est fermée la dernière maison close en France? A, 1886. B, 1906. C, 1926. Ou D, 1946? Bah vous n'avez pas les neurones rapides, hein, tous les deux. Ils savent peut-être pas la réponse. Eh bah qu'ils inventent. T'es marrante, toi. En même temps, il y a quatre propositions. Tu fais, t'es un peu chieuse, hein, aujourd'hui. Je fais comme je veux, j'ai mes règles. Nicolas, je t'écoute. La D. La D, 1946, bravo. Oh, yes. Oh, c'est un grand chelem. Oh, yeah. Tu as gagné une double péné gratuite. Oh. Et oui, c'est, ça te fait plaisir. Ah oui. Tu es content que je te ramène? Ah ouais. Tu as envie qu'on essaye le fist? Ah, peut-être. Oh. Ah, dis donc, Jean-Claude, vous avez vu que Lady Gaga, vous aimez bien ou pas? Bah moi je l'aime bien, oui. Elle a dit je me battrai pour la communauté gay jusqu'à ma mort. Ah bah avec plaisir, hein. Voilà. Elle peut venir me fouetter quand elle veut. Ouais, bah enfin vous pourriez l'inviter peut-être éventuellement, non? Elle a dit ça dans 7 à 8. Ah bah oui, mais enfin bon, elle est un peu chère quand même, hein. C'est un moi le fucking Blue Boy, c'est petit, hein. Ouais, bon, enfin bon, plaisir, oui. Une bonne fois pour toutes. Mais quoi, bon, en non, même temps, merde. Elle est prête à payer 4000 euros juste pour se faire des envoûtés, alors bon. Ah d'accord, ok. Bon, bah, écoutez, très bien. Et comme j'étais sur l'actu people, il y a Amanda... people, c'est-à-dire, c'est... Qu'est-ce que c'est? People. Ah pardon, j'avais compris people, mais je non, pas. people. Il y a Amanda Lear, là, qui fait de la pub pour des pneus, elle pourrait faire de la pub pour vous, sinon. Ah bah, en même temps, ça m'étonne pas qu'elle fasse de la pub pour des pneus, hein. De la pub. De la pub, oui. Ah, de la pub pour les pneus. Bon, enfin, vous auriez pu la prendre pour vous, quoi. C'est, ah bah, dire. Moi, c'est des idées que je vous donne pour faire venir du monde pour l'été au fucking Blue Boy. Ah bah moi, je la ramène quand elle veut. Enfin, oui, elle veut, bon. Enfin, on sait pas trop. Oui, enfin, on sait pas, effectivement. Bon, bah très bien, Nicolas. Bon, alors, trous, qui s'est gagné au final? Ah bah c'est Nicolas. Ah bah Nicolas, 3-0. Oh, Alexandre, tu n'as servi à rien. 3 bites à 3 petits trous. Alexandre, tu n'as servi à rien, mais rien de chez rien. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est pas grave, écoute, tu ressens ta chance quand tu travailles. Ouais, bah justement, vaut mieux que tu fasses attention, hein, parce que l'autre il est là avec un flingue et tout, il est là, bon je vais jouer. Mais justement, s'il veut venir me faire un trou de balle, c'est quand il veut. Non, mais par contre, je tiens à vous remercier là, tous les soirs là, je peux tous les soirs là au travail et l'émission elle pue. Hein. Et bah écoute, c'est gentil, L'émission elle pue. C'est gentil, tu reviens quand tu veux au fucking Blue Boy, je te laisse larrer mon loulou. Ouais, oh là là, c'est génial. Et j'espère que tu viendras avec ton gros calibre. Ah. L'automatique. L'éjaculation automatique, si vous voulez me dire, c'est pas forcément la bonne affaire non plus. Ah, j'adore, hein. Non, sur le coup, non. Bon, salut à toi, Alex, à bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Je t'en prie, ciao. Et puis bah Nicolas, bah bravo à toi, tu vas retourner chez Micha au standard. On prend tes coordonnées, on t'envoie ton cadeau très très vite, d'accord ? Ça va, merci à tous. Allez, salut à toi. Merci à plus, ciao. À bientôt, ciao. Et puis bon bah Jean-Claude, pas de week-end spécial prévu là, rien de ah spécial. Ah non, ce week-end c'est normal. Week-end tranquille ? Oui, c'est vaseline et sodomie. Ah d'accord. Et dites-moi pour la Coupe du Monde, vous avez prévu un truc ou ? Ah bah oui. À chaque but de la France, je me laisse défoncer par tout le club. Gratos ? Ah bah oui. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi vous feriez pas ça avec le but de l'Argentine ? Bah non, je peux pas risque non plus. Avoir mal au cul. Hein. Ah bah voilà, c'est pour ça. D'accord, ok, bon très bien. Donc l'euro a sa place gratuite si la France marque ? Bien sûr. Ah bien sûr, il pourra passer le premier. Ok, d'accord, bah écoutez, c'est bon, c'est noté. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Ah bah tant mieux. Leroux est ravi. Bah Leroux est ravi. On va pas vous déranger plus longtemps. Bah c'est comme vous voulez, hein. Vous Allez. Pouvez rester prendre non, un non, non, non, ça ira. Au revoir Jean-Claude. Hein. Au revoir, je vous Allez, embrasse. Oui, au revoir, à bientôt. Bisous, bisous. Voilà, c'est fait. Et Sandra ne parle jamais pendant le fucking Blue Boy, t'as peur ? Non, il m'aime pas. Ouais, bah enfin, ça t'empêche pas de montrer que t'es là quand même. Oui, mais j'ai pas envie de l'embêter pendant ses affaires. Hein. C'est mignon. Facile, pendant ses ouais. affaires. Pendant ses affaires, ouais, c'est la belle ça, phrase. Ça. Sur son iPhone, mais voilà, oui. Mais non, prochaine. Mais je ne l'ai pas, je vais les inviter pour la semaine prochaine, je travaille, etc., etc. Enfin bon. D'ailleurs, t'as trouvé un vélo, toi ? T'en cherchais un lundi ? Non, mais je cherche pas un vélo. Parce que Leroux ne veut pas faire de veut pas louer des vélib à long terme, il s'est rendu compte que c'était cher. Je peux pas. Pourquoi ? Bah en fait, un jour j'avais un peu bu et ma carte marchait pas. Ouais. Donc j'ai mis ma carte et ça me disait non non non et bon, j'ai laissé ma carte, j'ai réessayé et après ça m'a énervé donc j'ai arraché le vélib. Ah. Et je pense que ils ont pris l'empreinte de ma carte. Parce qu'à chaque fois t'aurais payé à mon avis hein. Bah ouais mais j'ai pas payé. À chaque fois que je mets ma carte. Bientôt, hein. Non mais c'était il y a deux ans quoi. Chaque fois que je mets ma carte, petite surprise avant l'été, avant les vacances, non, non, non. Tu vois, t'as prévu 200 euros, tu te dis allez non, cool, tiens, je vais me faire. Toi qui voulais acheter un vélo, tu vas acheter un vélib. Ah non, parce qu'il va payer l'amende mais il n'aura pas le vélib. Hein. Ah bah non. Ah bah il faut pas croire. Non, mais je sais pas pourquoi. D'accord. On me refuse. Mais c'est à Montreuil par contre ils vont faire des vélib électriques. Ah c'est bien ça. Et alors, le vélo, c'est une mobilette là. Ça marchera comment en fait ? Ça va se recharger pendant que c'est à la borne ? Ouais, j'imagine, ouais, j'ai pas trop regardé comment ça marchait, mais donc ils vont lancer les vélib électriques là de l'année prochaine. Mais ouais, d'accord, ok, très bien. Bah écoute, pourquoi pas hein. Bah oui, c'est bien. Ça va coûter un bras encore une fois. Surtout de ce côté-là de Paris où ça monte bien. Oui, c'est ça en fait, hein, parce que le problème avec les vélib, c'est qu'il y en a plein qui les prennent en hauteur et ils les ramènent en bas et après, les bornes en bas elles sont blindées, il y en a plus en haut. Voilà, c'est ça, démerdez-vous après. Hein. Bon, allez, on revient dans quelques instants, ne bougez pas. Et donc, si vous avez un petit vélo à vendre pour l'euro, alors par contre, il faut les petits trous. Non mais un vélo, un vélo 50 cm cube. Faut mettre les petits trous. De préférence un Vespa des années 80. Sinon il tombe. Hein. Bah oui, un Vespa. Le roue n'est pas difficile. Mais non, mais bien sûr. Mickaël, le podcast. Ah bonsoir, bonjour, bon matin. Allô, nous sommes Fiction Plane. Tu écoutes le Polo Show. Tu la balle, merci beaucoup. C'est un peu bizarre comme jingle avec ses rires. Le mec qui l'a fait aurait pu le nettoyer. Ça, c'est un peu la logique, non ? Bon, vous êtes dans le Polo Show. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui vont partir maintenant, puisque ça va un peu les dégoûter. On écoute un peu de pub, on se retrouve juste après. Si vous êtes grosse, moche, sale et boiteuse, grosse. Et que vous êtes toujours vierge à 40 ans, il y a un téléphone pour ça. Si vous avez honte de pousser la porte d'un sex shop et que vous aimeriez quand même trouver un truc pour égayer vos soirées célibataires, il y a aussi un téléphone pour ça. Ouais, ouais. Et si vous êtes une accro du sexe et que votre mec n'arrive pas à vous rassasier malgré les 14 rapports que vous avez chaque jour, il y a encore un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application, Imen, uniquement sur l'iPhone. De retour dans le Polo Show, on va commencer exceptionnellement, j'ai envie d'ouvrir le bal avec Monsieur Hay, voilà, j'ai envie. Monsieur Hay ! Allô ? Monsieur Hay ! Ah, vous êtes là ? Oui, Polo. J'ai envie d'ouvrir le bal avec vous ce soir. Eh ben, moi, Polo. Oui ? J'ai envie, moi aussi. Polo, ouais. Tu sais quoi ? Quoi ? Elle est là, Sadra ? Non, Sadra, elle est pas là, non. Alors le lundi elle est pas là cette salope et le vendredi cette chienne n'est pas là non plus. Ouais c'est un peu bizarre moi, j'ai remarqué aussi cette espèce de d'épiphénomène. Eh ben Polo. Ouais. Demande au pervers de la virer. D'accord, je vais faire ça monsieur. Avec sa coupe on dirait un raton laveur. C'est pas sympa. Qu'est-ce que vous avez contre Sadra ? Sadra, ouais. Ça fait deux fois qu'elle me pose à la pince. Ah bon ? D'accord. Alors, je vais pas défourailler sa sœur tous les soirs. D'accord. D'accord. Alors, elle est là et j'en ai marre. Il fait longtemps que je n'ai pas fait, le visage. Alors, Polo. Ouais. Il est là, Roux. Non, Roux n'est pas là, non. Personne n'est là. Bah non, on est en comité restreint ce soir. On est là, je suis là, vous êtes là. On... Allez, c'est week-end. C'est bon, bah ouais, c'est tout le monde est en train de se barrer là. Iket, c'est très bien entendu, Iket. C'est une voix automatique. Ah, c'est une voix automatique, c'est un pilote, c'est... Je suis RTT aujourd'hui. Crash. Polo. Quoi? Eh ben, tu sais quoi, Polo? Quoi? Eh ben, j'ai la chiasse. Eh ben, faut se soigner, monsieur S, ça se soigne, ça, prenez des produits, hein, en pharmacie. Imodium, c'est bien, ça. Non mais justement, Polo, Polo. Oui. Ça serait pas possible de m'oublier sur la chatte des Lisamès. D'accord, ok. Tu vois? Ok. Histoire que, hop, donc c'est bon, tu fais la pouf, une petite chasse sur la gueule de la chatte d'Elisabeth. D'accord, ok, monsieur. D'accord. Ok. Polo, je peux te demander une faveur? Bah demandez toujours. Et tu sais, Polo, j'écoute la radio où tu travailles. Ouais. Et puis j'adore parce que vous êtes vraiment premier sur vraiment sur les hits. Et ce que j'aime, c'est pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tu sais cette chanson là? C'est un vieux dos, ça, non? Non. Ah bah si c'est un vieux dos, oui, c'est normal, ça passe. Donc non, mais tu sais, c'est pa pa pa pa pa. D'accord. Tu vois pas? Non. Ah bah laisse tomber, c'est de la merde, mais qu'est-ce que je l'entends? D'accord, bah écoutez, je peux rien faire, monsieur. Pourtant, c'est à ta portée, hein. D'accord, bah merci, monsieur. Polo, quoi? Je voudrais que ça soit le nouveau générique de l'émission des IKL. On va lui demander, je vais essayer de m'arranger, ne vous inquiétez pas. Parce que, Polo. Oui. On retient bien. Alors, je peux te dire que ça, Polo. J'en ai entendu dans ma vie. Mais alors, celui-là. Bah, merci pour cette critique musicale, monsieur. Moi, j'ai dit que j'adorais. Ah, d'accord, bon, on va y aller, nous. J'adore, Polo, j'adore. Hein. D'accord, merci. D'accord, Polo. Quoi? Polo. Oui. Polo. Oui. Ça te dirait de manger avec moi? D'accord, avec plaisir. Avec tout ce que vous me devez. D'accord, ok, on va y aller, monsieur, on va pas raconter notre vie sexuelle à tout le monde, c'est pas sympa. Non, on y va vraiment, là. Non, mais je voudrais pas. Mais je l'ai pas, demain, la lundi. Bah, mardi, ouais. Ou mercredi, je vous le mettrai là, un de ces quatre. Bon, bah alors, parce que tu me l'as déjà mis mardi, ouais, dernier, ouais. Et je voudrais que tu me le remettes pour finir la semaine, mais si tu l'as pas, tu me le remettras en début de semaine. D'accord, on fait comme ça. Mais grâce à toi, mardi dernier, tu me l'as mis déjà, hein. D'accord. Allez, au revoir, monsieur, au revoir. Au revoir. Oh là là là là. Qui est là? Bonjour. Bonjour. Salut, c'est Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Tu peux m'appeler JP si. D'accord, tu veux, JP. Ça va, JP? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis en train de faire un déménagement. T'as surtout mal à la gorge, non? Prends du sirop. Non, je viens de muer hier. D'accord. Bon, Jean-Pierre, trêve de plaisanterie et de rembourrage. On y va, qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, je tenais à faire une annonce. Bah vas-y. Voilà, bah donc j'ai une barre de fer ou une barre en acier à vendre. D'accord. Voilà, donc c'est pour tabasser des gens, hein. Très peu servi. D'accord, on va éviter de donner les nationalités. Année 72, année érotique bien sûr. D'accord. Et donc voilà. Mesure combien la barre de fer? Oh bah 2 mètres comme la taille de ton sexe. Non, je suis pas si bien membré que ça. Si, on t'appelle la poutre de Poloco. C'est vrai, ça c'est vrai, mais faut pas voilà. Plus les bruiter. Et donc cette barre est en parfait état de fonctionnement, hein. C'est une barre classique, une barre en métallique. C'est une barre classique, très peu servie. D'accord. J'ai dû tabasser 2-3 personnes avec. D'accord. Donc dont un ami à moi qui s'appelle Rache, il se reconnaîtra. Voilà. D'accord. Mais bon, après, bon, il m'a niqué un coup de baranine, hein. Ah, d'accord, bah oui, c'est normal. Ah oui, parce que c'est un grand violent, hein. Ah, d'accord, mais pourquoi vous... Tenez à le dire. Pourquoi vous continuez à traîner avec ce type si c'est un grand violent? Bah oui, c'est vrai que c'est un pauvre type. Il est vrai qu'il est ringard, moche, puis gros. Ah, mais que voulez-vous, je m'attache. Vous voyez, j'ai pitié. D'accord. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de mon ami. Non, la barre et de d'ailleurs, fer. D'ailleurs, parce que lui, mon ami, il a une photo d'un ami mort. Vous comprenez, en fait, il a pris en photo un ami qu'il a tué récemment à l'arrière d'une voiture. D'accord. Et donc, voilà, justement, avec cette barre en acier. D'accord. Donc, combien le prix? Le prix pour la barre en acier? Écoutez, le prix est à débattre. Combien vous diriez-vous? Rien, moi je dirais rien, parce que je vois pas ce que les gens peuvent foutre avec une barre en métal, mais écoutez, on donnera votre numéro hors antenne. Non, je tiens à préciser que c'est une barre en acier trempé. Hein. D'accord, ok, bah c'est important. Voilà, je leur vends 12€ à débattre. Très bien, merci Jean-Pierre. Jean-Jacques ou Jean-Pierre? Je ne sais plus. Je sais plus, JP, tu m'as dit. Oui, ben Jean-Pierre, alors. Bah alors c'est parfait, au revoir JP. Jean-Pascal. Ok, allez, ciao. Ciao. Ciao, qui est là? Allô? Ouais. Oui, bonsoir. Allô? Salut. C'est donc l'infirmier de la salle des poivrières. J'appelle parce que j'ai eu donc votre rapport médical. C'est quoi? L'hôpital s'appelle comment? De la salle des poivrières. Ah, c'est pas la salle pétrière? Non. Ah, non, d'accord, c'est ok. La salle des poivrières. D'accord, ok. Donc j'ai votre rapport médical sous les yeux. Ouais. Je suis contraint de vous annoncer que vous avez l'utérus dans un état catastrophique. Hein. J'ai je sais pas si vous pouvez avoir fait avec votre utérus, mais... C'est quoi bah, attendez, je vous ai demandé votre prénom ou pas? Hein? C'est quoi votre prénom? C'est Paul. Paul, Paul? Je n'ai pas d'utérus. Alors vous avez... on a retrouvé, Polo, un projecteur donc dans votre utérus. Paul, de l'hôpital La Saleté et Poivrière. La Salle et Poivrière. La Salle et Poivrière. Je ne peux pas avoir d'utérus, je ne suis pas une femme. Alors bon, je vous avoue que le projecteur a fait quelques dégâts puisqu'il est resté allumé. Hein. D'accord. Donc au niveau de... Vous avez la vessie qui est complètement brûlée. D'accord. Votre estomac, c'est du nœud de boudin, quoi. C'est complètement ruiné. D'accord. Vous avez les poumons, je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est un sac d'eau, hein, c'est rempli d'eau. D'accord. Je vous demande d'ailleurs comment vous respirez. Et par contre, au niveau de la jambe de bois, elle a pris feu. D'accord. Vous avez vu? Non. Non, c'est normal. Par contre, Paul, vous je pense que vous êtes sur une allumette, en fait. Paul, vous vous trompez de personne. Je n'ai pas d'utérus. Ce n'est pas possible. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible. Écoutez, en tout cas, je peux vous assurer qu'on a retrouvé à peu près 8 bouteilles de whisky. D'accord. Alors, je suis désolé, hein, monsieur. Alors attendez, parce que je regarde votre nom sur le rapport. Monsieur Sandro. Voilà. Ouais, d'accord. Vous vous trompez de personne. C'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Donc ce serait bien que vous contactiez la personne. Si vous connaissez la personne concernée, lui qui arrête donc hein, le wifi par la chatte, c'est par la bouche. D'accord, merci Paul de la saleté la poivrière. La saleté et poivrière. La saleté et poivrière, hôpital très connu dans l'ouest parisien. Rhumatophonique. D'accord. Voilà. Ok, au revoir. Bien le bonsoir. Allez, casse-toi, jingle de fin pour favor. Je suis très espagnolisant en ce moment. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. T'as prévu des vacances en Espagne? Pas du tout, surtout pas. Ton héros, tout ça, voilà. Et pour terminer ce polo show, qui est là? Mon capitaine. Mais non, c'est capitaine, mais mon oui. Capitaine. Oh, mon capitaine, mon capitaine. C'est pas compliqué. Mon capitaine. Ça va, François, la maman? Oh capitaine, mon capitaine. Eh ben voilà, oh là là. Voilà. Bon, par contre, je tiens vraiment à m'excuser auprès de monsieur. Ouais. Il est gentil. Ouais, vraiment. D'accord. Je disais, en plus, là, c'est le week-end et tout. Bon. Là, je suis en train de me taper un bol de céréales, je suis en train de penser à lui. C'est bien. J'en dis tellement qu'il vient au... Un bol de céréales, mon lait dans... Non, mais sérieux, c'est le petit-déj, là, maintenant. D'accord. C'est vendredi, c'est le petit-déj. Ah bah oui bah j'ai envie qu'il vienne partager mon bol de céréales. Tu sais, c'est des céréales Lyon en plus. Des céréales Lyon. Bah oui, les Lyon. C'est de Nestlé, tu sais. C'est au chocolat et puis il y a la vanille aussi. Au caramel. Et tu prends pas de la chicorée de l'euro là? Si, le matin. Ah d'accord. Ah oui, on n'est pas le matin. Le matin je prends. Bah, ouais, mais le soir je prends carrément. Les céréales, c'est avec le chocolat. Ouais. C'est bon. C'est... Et Samisha, il adore ça. Même Monsieur E aussi. Et là, j'ai tellement envie de Monsieur E en fait. Quand est-ce qu'il est venu dormir chez toi la dernière fois, Misha? Misha? Il est jamais venu, mais il va bientôt venir. Ah, ça, ça fait plaisir, ouais. Ça. Et Misa, c'est-à-dire que moi, je l'adore, Misa. Misa, moi, il me manquait tout. Hein. Ouais. Ah ouais, il est trop beau, Misa. Ouais. Et le membre. Ah ouais. Et puis, Isabelle, parce que Michel Noir, j'ai tellement envie de vraiment lui faire des massages et tout. Là. Et puis même Mossoué pourra venir et tout. Et... Bah, il va regarder, hein, c'est un petit pervers. Mossoué, par contre, Michel a des grands pieds. On va faire le sandwich. Micha fera la mozzarella. Attends, c'est-à-dire non, Micha. Non, il fera le lardon, tu sais, le morceau de jambon dégueulasse, là. Non, mais Micha, lui, est couché. Moi, je suis sur Micha. Ouais. Et Mossoué, donc Micha, donc lui, il met la bite dans ma sac. Après, donc Mossoué, il est sur moi. Il met la bite dans mon cul. Et puis même le roux aussi, il peut même venir aussi. Comme ça, donc je suce le roux aussi en même temps. Donc, si. Et puis même aussi. Et puis même Toff aussi, il peut venir Toff, aussi. Il peut venir comme aussi. Comme ça, donc avec la main gauche, j'ai main sur la bite. Et avec la droite, je prends celle de Pedro aussi. Et puis, il m'en faut plein. Bah ouais. Lui, c'est le week-end, hein. Et il faut faire des partouzes un peu quand même. Oh, il faut se réveiller, hein. Et puis, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la petite Alexandra qui est sur l'énergie 12 en ce moment? Rien, on a pensé, là, vas-y. Ouais. Alexandra, elle cherche l'amour, elle a Bah c'est bien, bah, elle va la trouver. Bon, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ouais, mais attends, mais pourquoi vous parlez pas d'elle en ce moment? Parce qu'on en a rien à foutre. Voilà, j'ai pas envie. Mais attends. Parle de la chatte, là, du bourrage de cul par monsieur et de. Ça, j'ai vraiment envie. Et ça va vraiment nous exciter à fond. Ah, mais ça arrivera en plus. Ça, il va être chaud. Il est chaud déjà, il est chaud. Moi, je vais être mouillée et tout, mais là, je commence déjà à mouiller, là, maintenant. Ah bah vas-y, bah oh là là. Polo, si tu peux pas venir, toi aussi. Non, ça ira. S'il te plaît. Le roux est d'accord, ouais, d'accord. Elisabeth. Elisabeth, va te finir ailleurs, allez, casse-toi. Quoi? Attends, mais j'ai vraiment besoin de Micha. Il est où, mon Micha? Il est là, pourquoi? Il arrive, il prend sa gueule. Il arrive, Micha. Micha, il est là, mon bébé. Il est là. Mon bébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le veux mon comme bébé. Ça? Ah, quelle horreur! Pourquoi tu veux? Mais Céline, il va me mettre en cloque en plus. Il va me mettre en cloque. Ah oui? Un café au lait qui va sortir. Moi, de toute façon, je m'en fous. De toute façon, les enfants, les métis, c'est les plus beaux. Ouais, c'est ça. En voyant Michel, on se pose la question. Hein. Est-ce que cette théorie est vraie? Non, mais de toute façon, avec Michel, de toute façon, on est sûr d'avoir une petite fille. Ah bon, bah d'accord. Bah, si vous en êtes sûr. Soit une petite fille, soit un petit garçon. Vous allez l'appeler comment? Ouais. Bah, si jamais c'est une fille, on va l'appeler Mélissa. Ouais. Et si jamais c'est un garçon, bah, on va l'appeler Tom. Soirée. Comment? Tom. D'accord. Oh, ok. Tom. Bon bah merci. Et par contre, attends, ouais mais le roux c'est le parent, ouais. Et Sandra c'est la marraine. D'accord, ils sont d'accord, ils sont bouillants. Et comme ça, après, donc notre petit, après, quand il sera plus grand, bah lui il va faire standardiste. Bah ouais, à énergie. D'accord, donc, okay, il va prendre la relève de Micha. Ok, d'accord. Bah ouais. Okay. Mais par contre, il va avoir deux prénoms, il va s'appeler Tom Micha Junior. D'accord. Ok, merci Elisabeth. C'est comme ça normalement. Vite, contre, tu vas pas. Par contre, je m'ennuie de vous tous. D'accord, c'est très bien. Connaissez-moi. Bon allez, casse-toi. Hein, s'achève le polo show. Merci à ceux qui. T'as vu un peu la cruauté du mec, non, Elisabeth? Quoi? Je vous aime. Bon, ok, super. Bon allez, va-t'en. Le roux. C'est pour rire. Demain, je t'envoie des gâteaux. Ah, non, garde-les pour toi. Non, demain, je m'en fous. Des gâteaux. Non, mais lundi, tu auras des gâteaux. D'accord. Des gâteaux. Ouais. Tu veux des gâteaux? Tu veux des gâteaux à quoi? Parce que moi, demain, je vais faire les courses, c'est samedi. Non, demain. Mais Elisabeth, garde tes sous à toi. Voilà. Garde tes sous, rouille là. Dépense pas d'argent pour toi. Alors sinon, garde l'argent pour toi. Non, mais je vais acheter des courses. Le crevard ultime. Ne dépense pas ton argent pour toi. Mais non, mais lundi, en plus, si vous avez besoin de bouffer et tout. Non, mais on n'a pas besoin de toi. Mais si, on n'a pas besoin de toi pour manger. Bon, Elisabeth. Des langues d'or. Ouais. Des langues d'or. Non. Elisabeth. Des langues d'or. Elisabeth. Oui. Fous le camp. Non, tu m'as fait mal à la tête. Oh non. Oh d'accord non. Allez, à la prochaine. Je t'envoie des effets ralgans. Non, merci. Elle a réponse à tout. Merci à ceux qui ont écouté le Polo Show. Et merci surtout à ceux qui participent au Polo Show. Car grâce à eux, s'ils n'étaient pas là, je ne serais rien. Voilà, faut le dire. C'est vrai. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.